C'est fou. 89.1. Visitez cfou.ca. Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Television, une mini-mini-série sur Instagram. Il devrait s'associer à Disney et avoir la souris mini qui conduit une mini dans une mini-mini-série. Ouf! Dans Merci Science, lève-tôt ou couche-tard, ce serait une question de gêne. Tout est une question de gêne dans la vie. Tu sais, la gêne dérange ma vie amoureuse, le salami de gêne dérange mon haleine. Et dans le segment Geek CLX, vous avez seulement 4 vrais amis sur Facebook. Il y a Mathieu Planchot tout de suite. Et voici celui qui est à mi-chemin d'être ami avec lui-même, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 8 février 2016, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science, et le segment geek CLX, la phrase que j'ai essayé de dire tantôt, c'est « La souris mini qui conduit une mini dans une mini-mini-série ». Hein? Pas facile! Tout à l'heure, à l'émission, on va avoir la chronique sur les jeux vidéo rétro avec Samuel Girard, c'est d'un gamer à un autre, ça s'en vient, mais pour commencer l'émission, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo, et la première pièce qu'on écoute, c'est celle de Jeff Sears. Voici Level Up Chip Metal Nintendo Core tout de suite au Mathieu Planchot sur C'est fou. La souris mini qui conduit une mini dans une mini-mini série. C'était Jet's Yours avec Level Up, Chip Metal Nintendo Core. En fait, le gars était sur une communauté de chiptune et il y a vraiment une scène chipcore Nintendo Core. Donc, c'est de la musique style Nintendo, mais métal en même temps. Et c'est ce qui l'a influencé à faire cette pièce-là, Level Up. Maintenant, pour ceux qui se demandent où est Samuel Girard, cette session-ci, il va y avoir quelques petits changements. Des fois, il va être au début, des fois à la fin de l'émission. Donc, on va le retrouver plus tard, vers la fin, dans le dernier segment de l'émission. Alors, commençons avec Television, Television. C'est Television, Television, on a extrêmement beaucoup de nouvelles à faire cette semaine. Commençons au Québec avec un sursis pour Deux Hommes en Or et Les Francs-Tireurs. Les fidèles des émissions Les Francs-Tireurs et Deux Hommes en Or peuvent respirer. Les deux émissions ne subiront pas le même sort que Bazo TV et seront de retour cet automne à Télé-Québec. Elles échappent de justesse au resserrement des règles d'attribution des crédits d'impôt fédéraux, mais ce n'est qu'un sursis jusqu'à l'année prochaine, nous dit Le Soleil. Comme Bazo TV, les deux émissions reconduites étaient dans la mire du bureau de certification des produits audiovisuels canadiens, le BC PAC. Depuis l'automne, sans qu'on comprenne pourquoi elle pourrait être reclassée dans la catégorie interview variété et non plus dans magazine de société par patrimoine canadien. Et les variétés n'ont pas droit au crédit d'impôt contrairement au magazine. L'article sur Le Soleil est un article d'opinion, donc j'irai pas plus loin avec ça. Mais tout pour vous dire que, comme on l'avait dit il y a quelques semaines à l'émission, c'est des crédits qu'ils auraient probablement pas dû avoir dès le départ, puisque là on change les règles après une dizaine d'années. Toujours au Québec, V et Capital Média unis pour les nouvelles régionales. Groupe V Média, qui comprend V, Musique Plus et Musimax, et Groupe Capital Média deviennent partenaires pour la production des bulletins d'information Les Infos. Ceux-ci sont diffusés chaque jour à 9h en semaine et à 7h30 le week-end, là, en plein prime time. Hein, le matin, à V, après 3h de vidéoclip, t'as une demi-heure de nouvelles, puis après ça, des infos pubs puis des reprises. Puis la fin de semaine, à 7h30. Tout le monde écoute les nouvelles du matin à 7h30, voyons donc. Donc, sur les stations de V de Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay. Le contenu vidéo produit par Groupe Capital servira tant pour ses bulletins télévisés que pour les plateformes numériques des deux entreprises. Je cite, ce partenariat nous permettra d'enrichir le contenu offert dans les applications mobiles de quatre de nos quotidiens régionaux, Le Soleil, La Tribune, Le Nouvelliste et Le Quotidien. Soutient Claude Gagnon, PDG de Groupe Capital. Ça a changé plusieurs fois. Demain, c'est une capsule de nouvelles. C'est capsule semi-nouvelle, semi-potin, sport et affaires qui n'ont pas vraiment rapport dans un bulletin de nouvelles. J'ai jamais trouvé ça très, très bon. Voyons si la formule va changer. Peut pas être pire que le Huffington Post pendant l'émission du matin à V l'année passée. Maintenant au Canada, au CRTC, Duel TVA et Radio-Canada sur le financement de l'information locale. On reste un peu dans le même domaine avec un article de la presse. Alors que le CRTC suggère la création d'un fonds pour financer les nouvelles locales, les principaux propriétaires de stations de télé au Québec ne s'entendent pas sur la façon de distribuer l'argent. L'un des principaux points de désaccord est CBC Radio-Canada doit-elle en bénéficier? La société d'État qui possède 7 stations locales de télé, locales de télé au Québec, ou de télé locale, estime qu'elle devrait être admissible à ce fonds proposé par le CRTC dans le cadre de ses audiences publiques sur le sujet. Je cite, « Nous croyons que c'est dans les plus petits marchés où la situation est la plus criante. C'est cette capacité de produire du contenu local original et pertinent qu'il faut soutenir et sauvegarder de façon urgente. Dans les conditions actuelles, elle est extrêmement difficile à maintenir pour tous les joueurs, incluant le diffuseur public, dont c'est pourtant une partie du mandat », a dit le vice-président principal au service français de Radio-Canada lors des audiences qui se sont terminées récemment. Ses concurrents du secteur privé au Québec ne voient pas la situation du même œil. Le groupe TVA, V-Média et RNC Média estiment tous que Radio-Canada devrait être exclu des éventuels fonds pour l'information locale. Fait intéressant, nous dit la presse, ce débat est quasi inexistant au Canada anglais, où Bell et Rogers ne s'opposent pas à ce que les stations locales de la CBC aient accès à un tel fonds s'il est créé par le CRTC. La formule proposée par Bell avantage toutefois les diffuseurs privés comme CTV et Global. Shaw, propriétaire des stations locales de Global, s'oppose à la création d'un nouveau fonds et les autres propriétaires de stations de télé ont proposé des fonds variant entre 45 et 70 millions par année. TVA, qui possède 6 stations locales au Québec, soutient qu'il serait tout à fait inapproprié que les chaînes locales de Radio-Canada aient accès à un fonds pour les émissions d'information locale. Il y a beaucoup plus d'informations disponibles sur assemblagerequis.com. Ça va dans les détails financiers. Ensuite, toujours au Canada, Bell dénonce une décision arbitraire du CRTC sur les publicités américaines du Super Bowl au Canada. Les fans de football canadiens qui préféreraient regarder les publicités américaines pendant le Super Bowl pourraient voir leur souhait se réaliser dès l'an prochain, le CRTC ayant déterminé que ces messages publicitaires étaient partie intégrante de la diffusion de la grande finale de la NFL. On en parlait il y a quelques mois de cela à l'émission. L'organisme de réglementation canadien a ordonné l'an dernier à Bell, qui détient les droits exclusifs de retransmission du Super Bowl jusqu'en 2019, de cesser d'insérer les publicités canadiennes pour les téléspectateurs qui regardent le match sur une chaîne américaine. On comprend que c'est ce que le public veut en tant que tel, c'est d'annoncer des produits et des commerces que vous ne pouvez pas acheter et visiter. Les gens veulent seulement les annonces parce que c'est divertissant et ils sont tous disponibles sur YouTube avant même la diffusion. Et en plus, ça empêche les commerces et compagnies canadiennes de faire de l'argent sur le plus gros événement de l'année. Donc, tu sais, il y a du pour et du contre dans cet argument-là. Mais bref... Ainsi, lorsque le nouveau règlement entrera en vigueur en 2017, les Canadiens qui souhaiteront regarder les publicités américaines pendant le Super Bowl n'auront qu'à s'intoniser Fox, qui détient les droits américains pour l'an prochain, plutôt que CTV. Évidemment, les gens vont pouvoir regarder CTV s'ils le regardaient de toute façon sur CTV, et là, il y aurait des publicités canadiennes, mais sur Fox, ce serait les publicités américaines à la place de piler par-dessus, comme on fait depuis des années avec toutes les dramatiques, les sitcoms et... tout à la télé, les grands réseaux canadiens se battent pour avoir les mêmes cases horaires qu'aux États-Unis pour pouvoir piler par-dessus le signal. C'est un peu désolant pour ça, mais bon. Donc, Perry McDonald, qui dirige les affaires télévisuelles de langue anglaise chez Bell, croit que la décision arbitraire du CRTC est insensée compte tenu de l'importance des revenus publicitaires engendrés par l'événement sportif. Selon lui, cette décision aura un impact direct sur la capacité de Bell Media de maintenir des emplois au Canada, de générer des revenus d'impôts et de contribuer à la programmation canadienne. On sait que Bell n'arrête pas de sacrer du monde dehors à chaque mois, là. Bell s'est d'ailleurs tourné vers la Cour d'appel fédérale et la NFL a déposé une motion appuyant l'entreprise. Il doit faire une partie des profits. Hein. Monsieur McDonald souligne que plusieurs des publicités américaines sont disponibles en ligne, comme j'ai dit tantôt, certaines avant même la diffusion du match. Il affirme que la décision du CRTC empêche les entreprises canadiennes d'atteindre leur marché et nuit à la capacité de Bell de promouvoir les émissions canadiennes. C'est sûr que juste après le Super Bowl, il y a autant de grosses émissions canadiennes, autant qu'aux États-Unis, il y a une grosse émission américaine. Il faut pouvoir l'annoncer, cette émission-là, pendant le Super Bowl. Certaines publicités américaines sont présentées sur les zones canadiennes, mais la majorité ne le sont pas. Et malgré l'absence de publicités américaines, le Super Bowl demeure l'une des émissions obtenant les meilleurs codes d'écoute au Canada. J'ai entendu tellement de gens avancer l'opinion que personne regardait le Super Bowl pour les publicités. OK, c'est pas parce que toi, dude, tu ne regardes pas pour les publicités qu'il n'y en a pas d'autres qui le font. C'est pas parce que tu ne représentes pas la personne moyenne, hein? CTV a indiqué que 19,3 millions de téléspectateurs uniques et plus de la moitié de la population canadienne ont synthonisé la chaîne pendant le Super Bowl l'an dernier et le match entier a attiré une moyenne de 9,2 millions de téléspectateurs. Ces codes d'écoute se traduisent directement en dollars. Le match de l'an dernier avait apparemment rapporté à CTV entre 170 000 et 200 000 $ par 30 secondes de publicité. Justement, parlant de Super Bowl, l'audience est en légère baisse. Le 50e match du Super Bowl a été vu dimanche par 111,9 millions d'Américains, un chiffre en légère baisse par rapport à 2015, mais qui reste le troisième plus élevé de l'histoire de la télé américaine, nous dit l'agence France Presse. Selon les chiffres communiqués par l'Institut Nielsen aux États-Unis, cette audience est inférieure aux 114,4 millions et 112,1 millions enregistrés respectivement le 1er février 2015 et le 2 février 2014 lors des deux précédentes éditions du Super Bowl. Mais la finale de dimanche, qui a vu les Broncos de Denver s'imposer 24-10 face aux Panthers de la Caroline, spoiler pour ceux qui l'avaient enregistré, hein, s'inscrit tout de même à la troisième place des programmes les plus regardés de l'histoire de la télé américaine. Parmi les 8 programmes ayant dépassé les 100 millions de téléspectateurs aux États-Unis, 7 sont des matchs du Super Bowl. Seul le dernier épisode de la série MASH, diffusé en février 83, a réussi à franchir ce seuil parmi les autres programmes, avec 105,9 millions. Selon Nielsen, quelque 72% des foyers qui avaient leur téléviseur allumé à l'heure du match dimanche regardaient le Super Bowl, une proportion plus vue pour une finale depuis 1982. Diffusé par la chaîne CBS, le Super Bowl a également été très commenté sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où 16,9 millions de messages faisaient référence au Super Bowl. Ça a été posté par 3,8 millions de comptes. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de codes d'écoute après ça qui sont peut-être mensongères, comme à la chasse-galerie, CBS a été affiché sur les télés jusqu'à minimum lundi soir, sinon même mardi matin, parce que je me rappelle avoir regardé des extraits de The Price is Right à la chasse-galerie. Non, c'est pas parce que les télés sont sur CBS que c'est parce qu'on écoute CBS, c'est parce qu'il était là pour le Super Bowl. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? Bref. On reste aux États-Unis avec The Flash qui envahit l'univers de Supergirl. Justement, j'ai pu regarder presque l'épisode au complet de Supergirl pendant le match de la lutte lundi soir, tellement je suis facile à déconcentrer. C'était sur CBS. Donc, The Flash fera une apparition dans un épisode de la série Supergirl. Les deux super-héros se rencontreront dans un épisode prévu pour le 28 mars sur CBS, a annoncé Deadline.com. Cette rencontre sera pour l'instant, à sens unique. Deadline ajoute que cette simple incursion se voit justifiée par les pouvoirs. Wow, il y a donc bien des fautes dans cet article-là. Je me demande si c'est tout vrai, les informations, tellement il y a des fautes. Se voit justifié par les pouvoirs de The Flash, capable de traverser plusieurs dimensions, contrairement à Supergirl. Au sein de la distribution de la série Supergirl, on retrouve Melissa Benoit, Mekat Brooks, Kyler Lee, Jeremy Jordan, David Harewood et Calista Flockhart. Quant au super-héros de The Flash, diffusé sur CW, il est incarné par Grant Gustin. Issu de l'univers de DC Comics, The Flash met en scène le personnage du même nom, capable de se déplacer à une vitesse phénoménale. Midnight Texas est le prochain projet de Nils Arden Oplev, le Danois à qui on doit la première adaptation au grand écran de la saga Millennium, écrite par le regretté Stieg Larsson, réalisera donc le pilote de Midnight Texas, un drame surnaturel pour la NBC. La série serait basée sur le roman à succès de Charlene Harris, qui est aussi à l'origine de l'ouvrage ayant inspiré la série de HBO True Blood. D'ailleurs, le site présente ce nouveau projet à mi-chemin entre True Blood et Twin Peaks de David Lynch. L'intrigue se concentre sur une ville reculée peuplée de vampires, de sorcières, de loups-garous ou encore d'anges, des habitants bien décidés à éloigner tout nouvel arrivant de ce lieu atypique. La première adaptation cinématographique de Millennium avait révélé l'actrice Noomi Rapace, ce qui n'a absolument rien à voir avec la nouvelle. Mais on aime ça dire des faits divers dans les articles de Relax News. Feu vert à la série de Matt Damon et Ben Affleck. Le thriller futuriste produit par ces deux hommes, composé de 13 épisodes, pas les hommes, la série, a été validé par la chaîne de télévision américaine Sci-Fi. Créé par David et Alex Pastor, qui a écrit et réalisé le pilote de Incorporated, la série a lieu dans un futur proche où les entreprises ont un pouvoir illimité. L'intrigue se focalise sur Ben Larson, campé par Sean Teal, qu'on connaît pour la série Skins, un jeune cadre qui cache sa véritable identité pour infiltrer une entreprise très dangereuse, et ce, afin de sauver la femme qu'il aime. Mais il va apprendre qu'il n'est pas le seul à avoir des secrets aux conséquences mortelles. La distribution sera aussi composée d'Eddie Ramos, de Teen Wolf, de Dennis Haysbert, de 24 heures chrono, et de Julia Armand, de Legends of the Fall, ou Légende d'automne, selon Deadline.com. Ben Affleck, Matt Damon et Jennifer Todd sont les producteurs exécutifs du projet, qui sera diffusé à l'automne 2016. Toujours aux États-Unis, Fox fait confiance à Courteney Cox et Charity Case. Donc Fox a commandé un pilote de Charity Case, nouveau projet de comédie mené par Courteney Cox pour la saison 2016-17, annonce Deadline. Dans cette série, écrite par l'ancien scénariste de The Office, Courteney Cox comprend Haley, une femme qui hérite de l'association caritative de son défunt mari milliardaire. Mais changer de monde apparaît beaucoup moins glamour que ce qu'elle avait imaginé. Cette commande de Fox intervient un jour après celle de CBS pour la série I'm Not Your Friend de Matt LeBlanc. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Actuellement à l'affiche d'American Crime Story sur FX, David Schwimmer tiendra l'un des principaux rôles de Feed the Beast sur AMC. Matthew Perry est quant à lui la star de The Odd Couple sur CBS. Ça revient le 7 avril, donc les vedettes de Friends sont un petit peu partout à la télé en ce moment. Ben tu sais, je vais faire la nouvelle tout de suite. Non, je l'avais gardé pour plus tard parce qu'il y avait un lien avec le prochain segment. C'est pour ça. J'ai mis les choses dans l'ordre, mais pas l'ordre de Friends. Hein? CBS annonce la fin de la série The Good Wife. CBS s'est donc servi du Super Bowl comme tribune pour annoncer la fin imminente de la série du réseau la plus louangée par les critiques. La dramatique du dimanche soir de Good Wife, en français c'est une femme exemplaire, ça joue sur Série Plus, se met en vedette Juliana Margulies. Le réseau a diffusé une publicité durant la première moitié du match de dimanche, affirmant qu'il ne restait que 9 épisodes à la série et a annoncé plus tard que la finale serait présentée le 8 mai. Mais c'était nouveau, une nouvelle information. Les créateurs de la série, Robert et Michelle King, avaient dit auparavant qu'ils allaient quitter The Good Wife après la saison en cours. Jusqu'à dimanche, CBS n'avait pas déclaré que ça signifiait la fin de la série et avait discuté de la possibilité de la poursuivre avec d'autres auteurs. La série, créée initialement autour de la réaction du personnage joué par Julianne Margulies quand elle apprend que son mari politicien l'a trompée, elle s'est concentrée sur le monde juridique et politique de Chicago par la suite. Une nouvelle série maintenant, Ridley Scott s'associe à un ex de urgence ou salle d'urgence, dépendant d'où vous avez pris votre série illégalement sur Internet. La chaîne CBS a donné son feu vert pour le pilote de Sensory, une série qui mélangera médecine et surnaturel selon Variety. Le projet s'inspire de l'histoire vraie de Joel Salinas, un neurologiste américain atteint de synesthésie, une particularité neurologique qui lui permet de ressentir les sensations des autres personnes. Et ça, pour vrai, ça me surprend que la synesthésie ne soit pas plus utilisée que ça à la télé. Et aussi, ça me fait dire qu'on m'avait déjà donné comme conseil que tous les mots finissant en « gist » en anglais finissaient en « g » en français. Et le neurologiste, c'est pas un neurologue. Hein? Fait que tu sais, il y a des exceptions. Ancien producteur et auteur-producteur de Urgence, David Zabel, a écrit le pilote que produisent donc Ridley Scott et David Zucker. Les deux hommes travaillent déjà sur la prochaine série estivale de la chaîne, Brain Dead, un thriller de science-fiction signé par, et non pas soigné par, les créateurs de The Good Wife, dont on vient juste de parler il y a deux instants. Justement, tiens mon lien de tantôt par rapport à Matt LeBlanc. Dans une nouvelle série sur CBS, l'ancienne star de Friends tiendra le rôle principal de I'm Not Your Friend, comédie créée par des anciens de That 70s Show ou encore 70 au Québec, selon Deadline. Dans cette série en projet pour la saison 2016-17, Matt LeBlanc incarnera un entrepreneur qui se rend compte de la difficulté d'élever les enfants lorsque sa femme reprend le travail. CBS a déjà donné son feu vert pour la réalisation du pilote confié à James Burrows, le célèbre James Burrows qui a été célébré il y a quelques semaines d'ailleurs avec une grosse soirée à la télé. Bref, ce dernier a d'ailleurs été a déjà dirigé l'acteur Matt LeBlanc et les autres dans des épisodes de Friends entre 1994 et 2004. L'année de Matt LeBlanc s'annonce donc chargée puisque la star du petit écran tournera également en avril la 5e saison de Episodes, une comédie sur Showtime qui existe depuis 2010. Cette saison devrait être la dernière de la série, mais même si la chaîne câblée décide de poursuivre son aventure, l'ancien interprète de Joey Tribbiani pourrait mener de front ces deux séries. Matt LeBlanc est aussi attendu en mai prochain dans la 23e saison de Top Gear, et justement, parlons-en, parce que oui, Matt LeBlanc va co-animer Top Gear, la célèbre émission, même on la connaît ici au Québec, la série de Chaur. Donc, c'est un article de l'Associated Press. L'ancienne vedette de Friends donc se joint à la populaire émission de la BBC Top Gear. Le diffuseur britannique a annoncé que l'acteur co-animerait l'émission consacrée aux voitures avec Chris Evans. Matt LeBlanc, qui a interprété Joey Tribbiani dans Friends, devient le premier acteur non britannique à co-animer l'émission en 39 ans d'histoire. L'une des émissions les plus populaires de la planète, Top Gear, s'est attirée de nombreux fidèles avec ses conseils sur les voitures, ses cascades et son humour. L'acteur américain, qui se décrit comme un fou des voitures et grand fan de Top Gear, s'est dit très excité de participer à ce nouveau chapitre de la célèbre émission. C'est un renouveau, hein? On va revenir un petit peu là-dessus parce que c'est quand même confus, mais c'était un renouveau devenu nécessaire après que l'ancien animateur Jeremy Clarkson ait quitté l'émission en pleine controverse. Celui-ci aurait frappé un producteur lors d'une altercation à l'extérieur du plateau de tournage, et les deux autres animateurs ont aussi quitté quand le premier s'est fait renvoyer. L'altercation avait menacé la survie même de l'émission puisque la personnalité fougueuse de Jeremy Clarkson comptait pour beaucoup dans son succès. L'ex-animateur s'était souvent attiré les foudres des patrons en raison des différents incidents, notamment un moment où il a utilisé un mot raciste pendant le tournage de l'émission. La série est diffusée dans plus de 50 pays et la BBC a vendu le format pour des versions locales produites aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Australie et en Corée du Sud. Ce que l'article ne dit pas, c'est que Jeremy Clarkson a signé avec Amazon pour une série qui lui ressemble énormément à Top Gear, et ça s'en vient bientôt. Justement, allons sur Internet avec Netflix qui rend hommage aux Beatles avec Beat Bugs. Pink et Sia sont parmi la pléiade d'artistes qui ont participé à la nouvelle série Netflix Beat Bugs. Le feuilleton d'animation reprend tous les standards des Beatles, réinterprétés pour l'occasion par les chanteurs contemporains. La bande-annonce est dévoilée, donc a été dévoilée aujourd'hui, hein? Mercredi 10 février. Beat Bugs est une série animée pour enfants qui suit les péripéties d'une colonie d'insectes, abeilles, limaces, papillons. Les héros répondent au nom de Jekumi, Crick, Buzz et Walter. Les petits animaux ont été personnifiés et surtout ils vivent l'aventure au rythme des succès des Beatles. Plus de 50 morceaux des 4 garçons dans le vent ont été repris par des artistes. Pink chante Lucy in the Sky with Diamonds et Sia chante Blackbird, une manière détournée d'enseigner aux enfants le répertoire du légendaire groupe anglais. Netflix prévoit diffuser les épisodes de cette série musicale à compter d'août prochain. À la bande-annonce en français, j'ai envie de l'écouter, donc écoutons la bande-annonce de Beat Bugs qui n'a pas l'air d'avoir de titre en français malheureusement. Préparez-vous pour une nouvelle série originale Netflix pour la famille. Avec plus de 50 chansons des Beatles interprétées par les plus grands artistes contemporains, Eddie Vedder, Pink, Chris Cornell, Sia et bien d'autres. En août 2016, Beat Bugs, créé par Josh Whakely, sur Netflix. Voilà, donc c'était la bande-annonce. Évidemment, je pourrais vous décrire ce qui se passe visuellement, mais c'est des insectes qui font un paquet de conneries, hein? T'sais, c'est comme ça que ça se passe. C'est un dessin animé pour enfants, donc les gens se pilent dessus, puis ça fourmille. Bref, Beat Bugs. J'aimerais voir un titre en français pour ces séries-là sur Netflix. Pour vrai, je comprends pas. Au Québec, il me semble que tout est traduit en français. À la télé, on montre le titre en anglais en gros, puis le titre en français en petit. Sur Netflix, on s'en soucie pas, mais au moins, c'est sous-titré et doublé. Et c'est pas mal mieux que des insectes rythmés ou quelque chose comme ça, comme titre. Beat Bugs, c'est joli. Ensuite, Netflix diffusera une comédie satirique sur Hitler. Oui, sur Hitler. Le film Er ist wieder da, adaptation du roman Il est de retour, comédie satirique consacrée au dictateur allemand, sera diffusée le 9 avril sur Netflix, selon Variety. La plateforme de vidéos sur demande américaine a fait l'acquisition du long-métrage allemand de David Wendt, sorti en octobre dernier dans son pays, avec l'acteur Oliver Masucci qui incarne Adolf Hitler, qui se réveille en 2011, plus de 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale, dans un terrain vague de Berlin. L'histoire qui joue avec les anachronismes s'appuie sur le roman satirique de Timur Vermes, sorti en 2014 en France sous le titre de « Il est de retour ». C'est pas techniquement de la télé, mais ça reste sur Netflix. Maintenant, allons sur Instagram où il y a une mini-série depuis le 1er février. Instagram ne sert plus seulement à publier des photos et des vidéos pour ses amis. L'application regroupant quelques 400 millions d'adeptes vient de lancer Shield 5, son tout premier thriller composé de 28 épisodes de seulement 15 secondes chaque. La diffusion en cours prendra fin le 28 février et totalisera au total 7 minutes. Cette mini-série policière est réalisée par le Britannique Anthony Wilcox et raconte l'histoire courte de John Swift, joué par Christian Cook, qu'on connaît pour la série Demons, qui tente de prouver son innocence après un vol de diamants qui a mal tourné et le meurtre d'une collègue. Pour l'heure, le produit reçoit un accueil assez chaleureux. Les mini-zodes sont diffusés quotidiennement à 18h et sont accompagnés de photos pour bonifier cet audacieux concept. Et si tout va à merveille sur nos équipements informatiques, on va écouter un épisode juste pour le fun. Donc on est là, on va y aller avec l'épisode le plus récent. On va se faire spoiler le tout, là. OK, et ça se passe comme en chronologie, en genre de temps semi-réel. Ah, c'est vrai, j'ai pas l'image des vidéos sur Instagram ici. Oh, malheureux. On laisse faire ça, hein? On fait comme si de rien n'était. Hey, ça veut dire qu'on a terminé Television sur cette note tellement affreuse de vidéos que je pouvais pas décrire. Donc, on retourne en chiptune, on était rendu à entendre l'artiste Yuki Kakushi. Hein? Et voici l'extrait « It's okay to cry because your video is not playing ». On va se plein de choses sur ces fous. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. 89.1. Avec The Faster The Treadmill, un cover de I Fight Dragons, la même chanson mais par I Fight Dragons. Et avant ça, on a entendu Yuki Kakushi avec It's Okay To Cry au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons avec les moteurs de nos voitures qui pourraient fonctionner grâce à l'air un jour. Transformer du dioxyde de carbone, donc du CO2, en méthanol, donc en carburant, cela serait possible avec un simple catalyseur, le Rumacho BH, expliquent des chercheurs américains, dont un prix Nobel. Aboutissement hypothétique dont on peut rêver, une voiture électrique alimentée par une pile à combustible qui pompe le CO2 de l'atmosphère et en produit de l'eau, ou plus raisonnablement, des usines de production de carburant qui réduiraient les quantités de gaz à effet de serre. Après l'automobile zéro émission, la voiture réductrice d'effet de serre, c'est ce qu'imaginent des chercheurs californiens qui ont trouvé seulement au laboratoire pour l'instant. Parmi eux figurent George A. Ola, prix Nobel de chimie 1994 et qui milite pour une économie du méthanol, où cet alcool serait produit par des énergies renouvelables. Il peut notamment devenir une source d'hydrogène pour les piles à combustible avec l'oxygène de l'air produisant de l'eau et de l'électricité, ou bien être utilisé directement dans un moteur classique comme carburant vert. Réduire le CO2 au sens chimique du terme pour le transformer en méthanol, donc du CH3OH, nécessite, outre de l'hydrogène, un bon catalyseur et un chauffage à environ 150 degrés Celsius. L'opération n'est pas simple car ces deux derniers paramètres étaient jusqu'à présent incompatibles, comme l'explique le principal auteur de l'étude, Surya Prakash, sur le site Fizz.org. En effet, les catalyseurs qui conviendraient pour cette suite de réactions sont détruits par la chaleur. L'équipe de la Southern California University, qui vient de publier ses résultats dans la revue Journal of the American Chemical Society, annonce avoir trouvé un catalyseur réunissant les conditions nécessaires, donc le roux macho BH de tout à l'heure. Ce composé commercial, macho est une marque déposée, comporte du ruthénium, le symbole RU, et du bore, donc le B. Les chercheurs ont utilisé différentes sources de gaz carbonique, dont tout simplement l'air, et ont obtenu 79% de conversion en molécules de méthanol. En 2014, une équipe française du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, avait déjà identifié le ruthénium comme un bon catalyseur pour la synthèse du méthanol à partir de gaz carbonique. Il faut chauffer généreusement à 145 degrés Celsius et attendre un certain temps, dont 70 heures. Le procédé nécessite donc une usine. Le moteur à air est encore loin, mais ses unités de production pourraient fournir le précieux méthanol destiné aux moyens de transport ainsi qu'à l'industrie chimique qui utilise déjà abondamment cette molécule simple et réactive. Pour les auteurs, cette réaction serait un rouage d'un cycle anthropique du carbone, c'est-à-dire résultant essentiellement de l'intervention de l'homme par lequel les activités humaines produiraient du CO2 et en absorberaient autant, l'équivalent d'une photosynthèse si on veut. Un problème de physique jugé impossible a été résolu avec 128 balles de tennis. Une équipe de chercheurs de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni vient d'apporter une solution à un problème de physique qui semblait jusqu'alors totalement impossible à résoudre. En calculant combien de façons différentes il existe de ranger 128 balles de tennis, l'équipe espère bien apporter des réponses pratiques à des questions portant sur la formation des avalanches, des déserts ou encore sur l'intelligence artificielle. Imaginez que vous disposez de 128 particules sphériques identiques, disons des balles de tennis. Pour les ranger ou les arranger, vous n'avez que l'embarras du choix. Savez-vous au moins combien d'arrangements de ce type sont possibles, nous demande Futura Science. C'est la question aussi que se sont posées les chercheurs de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni. Une question saugrenue peut-être, mais pas tant que ça. À y regarder de plus près, mais leur réponse a littéralement de quoi donner le tournis. Il existe 10 à la 250 arrangements possibles. C'est largement plus qu'il n'existe de particules dans l'univers tout entier. Cependant, au-delà de ce résultat étourdissant, le plus important reste que les chercheurs aient pu trouver une solution à cette question. La façon la plus basique de résoudre le problème aurait été d'enregistrer toutes les configurations possibles une à une. Il aurait fallu plusieurs vies pour en venir à bout, nous disent-ils. L'équipe a trouvé une solution astucieuse rendue possible grâce à la simulation informatique. Prendre un petit échantillon des configurations possibles et travailler sur leur probabilité de survenue ou sur le nombre d'arrangements qui mèneraient à ces configurations particulières. À partir de là, et après des centaines d'heures de calcul tout de même, il leur est devenu possible non seulement d'extrapoler le nombre de manières d'arranger le système, mais aussi de déterminer à quel point un état était ordonné par rapport à un autre. Pour adopter le langage du physicien, ils sont parvenus à définir, dans une très bonne approximation, l'entropie de configuration du système. Le concept d'entropie est au cœur des préoccupations de nombreux physiciens. Ce concept décrit le désordre qui règne dans le système. Quant au terme d'entropie de configuration, il sert à décrire la manière dont les éléments constituent un système, dont les éléments constituant un système sont structurellement désordonnés. En d'autres mots, c'est la part de l'entropie du système qui est directement liée à la position de ses constituants. Physiquement, cette entropie se rapporte au nombre de façons qui existent d'arranger les éléments du dit système tout en conservant un certain nombre de ses propriétés spécifiques. L'entropie de configuration joue un rôle majeur dans l'évolution des systèmes granulaires. Ces systèmes-là et les éléments qui les constituent sont suffisamment grands pour être vus à l'œil nu. Et ils ne se modifient que sous l'action d'un facteur externe comme le vent, dans le cas d'une dune de sable. Cependant, pour prédire les mouvements d'une dune, il faudrait être capable de prédire au fil de son déplacement les changements qui s'opèrent pour chaque grain de sable de la dune ou, plus physiquement parlant, de définir l'entropie de configuration de la dune. Pour ce faire, il est indispensable de connaître le nombre de façons différentes dont le système peut être structuré. Jusqu'alors, les meilleures études n'avaient pu rendre les conclusions que pour des systèmes de moins de 20 particules, même pas l'équivalent de petits tas de sable. L'équipe de Cambridge a battu tous les records en travaillant sur un système composé de 128 éléments. Je cite « De toute évidence, nous sommes encore loin de pouvoir prédire la façon dont s'arrange le sable dans les déserts, mais un jour nous aimerions être en mesure de résoudre ce type de problème grâce à notre méthode. N'oublions pas que les matériaux granulaires sont le deuxième type de matériaux les plus utilisés dans le monde. » Ça, c'est la fin de la citation. « Car c'est bel et bien l'entropie de configuration du système composé de 128 balles de tennis que les chercheurs de l'Université de Cambridge ont touché du doigt. Être capable de calculer l'entropie de configuration de systèmes plus vastes permettrait en théorie de résoudre une foule de problèmes, jusqu'alors réputés comme impossibles à résoudre, comme la prédiction du mouvement des avalanches, par exemple. Beaucoup d'autres champs de la physique pourraient être intéressés par, par exemple, la cosmologie ou l'intelligence artificielle et le machine learning. Dans ce dernier cas, en effet, l'une des questions cruciales qui se pose aux chercheurs est de savoir de combien de façons différentes un système peut être câblé pour traiter efficacement une information. Maintenant, un algorithme qui lit presque en temps réel dans vos pensées. Grâce à des chercheurs, grâce à des électrodes placées sur les lobes temporaux du cerveau et un logiciel, des chercheurs sont parvenus à décoder les signaux quasiment à la vitesse de la perception et à savoir quel type d'image une personne venait de regarder. Une avancée qui pourrait faire progresser la connaissance du fonctionnement du cerveau avec, à la clé, une meilleure compréhension de certaines maladies, peut-être bien plus encore. Que se passe-t-il précisément dans notre cerveau lorsque nous regardons une image que nous reconnaissons immédiatement? Un groupe de scientifiques, de spécialistes en neurosciences de l'Université de Washington à Seattle a réalisé un pas important dans la compréhension de ce processus neurologique. Grâce à des implants au niveau des lobes temporaux et à un algorithme, ils sont parvenus à décoder les signaux cérébraux associés à la vue d'une image. Ils ont alors pu entraîner leur logiciel afin qu'il étudie quasiment en temps réel ce que la personne voyait avec un taux de réussite de près de 96%. Leurs travaux ont fait l'objet d'une publication dans la revue PLOS Computational Biology. L'expérience a été menée avec 7 personnes souffrant d'épilepsie, auxquelles des électrodes avaient été implantées au niveau des lobes temporaux afin de localiser les points de convulsion. Les patients devaient passer une semaine à porter ces implants. L'équipe de l'Université de Washington a eu l'idée de profiter de cette occasion pour leur proposer de participer à une expérimentation. Leur tâche était simple, regarder les images défilant sur un écran d'ordinateur pendant que leur activité cérébrale était analysée. Il s'agissait de photos alternant des visages, des maisons et des fonds gris qui défilaient à 400 millisecondes d'intervalle. Afin de s'assurer de leur niveau de concentration, il était demandé aux participants de trouver la photo d'une maison à l'envers. Pendant ce temps, l'algorithme avait pour mission d'extraire deux types de signaux cérébraux, le potentiel évoqué qui désigne la modification du potentiel électrique du système nerveux en réponse à une stimulation externe, et les signaux persistants après qu'une image ait été visualisée. Les ondes cérébrales étaient numérisées 1000 fois par seconde, ce qui permettait au logiciel de déterminer quelle combinaison d'électrodes et quel type de signaux répondaient lorsque les patients voyaient l'image en particulier. Les chercheurs ont ainsi pu constater qu'ils obtenaient des réponses différentes depuis les ondes différentes des lobes temporaux, certaines correspondant à la vue d'un visage, d'autres à celle d'une maison. Ces données ont ensuite servi à entraîner l'algorithme, puis les patients ont été confrontés à une nouvelle série d'images que le logiciel ne connaissait pas. Le programme a alors su dire avec une fiabilité de 96% et un décalage d'à peine 20 millisecondes quand la personne voyait l'image d'une maison, celle d'un visage ou celle d'un fond gris. Les chercheurs savaient déjà décoder les images qu'une personne voyait. Cependant, comme l'a expliqué l'un des membres de l'équipe de l'Université de Washington, les algorithmes utilisés avaient besoin de savoir à l'avance qu'on montrait des images aux sujets observés. Dans le cas présent, le programme lit dans les ondes cérébrales en temps réel sans aucune autre information préalable. Ce niveau de précision a pu être obtenu seulement lorsque les informations provenant des deux types de signaux cérébraux évoqués étaient croisées, ce qui tend à démontrer qu'ils sont complémentaires. Je cite, « Traditionnellement, les scientifiques se sont penchés de façon individuelle sur les neurones. Il y a quelques années, notre étude offre une vision plus globale à l'échelle d'un grand réseau de neurones de la manière dont une personne qui est éveillée et attentive perçoit un objet visuel complexe. Si on peut effectivement parler d'une forme très simplifiée de la lecture de la pensée, les chercheurs y voient d'abord une avancée dans la compréhension du fonctionnement du cerveau. Ils espèrent qu'à long terme, cet outil aidera à mieux appréhender certaines maladies affectant la mémoire et les fonctions motrices pour aider à une rééducation du cerveau, mais ce n'est pas tout. Je cite encore, d'un point de vue clinique, on peut voir notre résultat comme la preuve de concept vers la création d'un mécanisme de communication pour les patients paralysés ou qui ont subi un AVC et sont complètement immobilisés. Avec les enregistrements cérébraux adéquats, on pourrait apprendre des détails extrêmement fins à propos d'une personne, par exemple où elle va aller, quels objets elle voit lorsqu'elle regarde quelque part, ce qu'elle pense réellement. Quand on y pense, c'est vraiment profond, dit cette personne finalement. Ensuite, après l'impression 3D, l'impression 4D. Grâce à un matériau anisotrope programmable, les chercheurs nord-américains sont parvenus à une sorte d'impression en 4D qui ajoute une étape après la fabrication de l'objet en 3 dimensions. Plongé dans l'eau, il prend une nouvelle forme préalablement inscrite dans les fibres de cellulose qui le composent. Inspiré de la nature, ce procédé pourrait notamment servir à créer des tissus intelligents, de l'électronique souple, des équipements biomédicaux, voire un jour même des organes vivants. Il y a un peu plus d'un an, Futura Science consacrait un article à un procédé dit d'impression en 4 dimensions développé par le Massachusetts Institute of Technology. Il s'agissait d'objets imprimés en 3D avec des matériaux programmables capables de changer de forme sous l'effet de la température ou de l'eau. Une innovation qui ouvrait la voie à la création de meubles en kit capables de s'auto-assembler, de vêtements qui se transforment en fonction de la météo ou encore d'éléments de carrosserie automobile qui s'adaptent selon la vitesse. Une équipe de l'Université Harvard aux États-Unis, amenée par la professeure Jennifer Lewis, veut aller encore plus loin dans ce domaine. Ces spécialistes se sont inspirés de la nature pour adapter leur technique d'impression 3D à l'échelle microscopique utilisée pour fabriquer des robots à la fois durs et mous. Résultat, ils parviennent à imprimer des structures en 4D qui changent de forme quand elles sont immergées dans l'eau. La quatrième dimension dont il est question se rapporte aux modifications du matériau après sa fabrication grâce à des propriétés dynamiques, modifications qui sont prédictibles. Dans la nature, les plantes et les fleurs modifient leur morphologie afin de s'adapter aux changements de température ou d'humidité. L'hydrogel utilisé pour ces impressions 4D contient des fibrilles de cellulose issues de pulpes de bois dont la structure peut réagir à un stimulus extérieur, en l'occurrence l'immersion dans l'eau. Pour contrôler la forme que prendra la structure une fois immergée, les chercheurs ont exploité la nature anisotrope des fibrilles de cellulose, c'est-à-dire leurs propriétés directionnelles sur lesquelles ils peuvent agir. En effet, la rigidité de ces fibres et leur propension à gonfler dans l'eau varient en fonction de la manière dont elles sont disposées. Un modèle mathématique spécialement développé prédit comment les objets en 4D doivent être imprimés afin qu'ils prennent la forme voulue une fois dans l'eau. Afin d'éprouver leur méthode, les chercheurs ont imprimé deux formes de fleurs qui semblent identiques parce qu'elles sont à plat, mais une fois dans l'eau, leurs 5 pétales se déploient de façon totalement différente. Dans leur article scientifique publié dans la revue Nature Materials, les scientifiques expliquent que l'hydrogel est encodé pour contrôler l'alignement et l'espacement des fibrilles. Cela est possible simplement en modifiant la trajectoire d'impression. Selon les concepteurs, cette maîtrise fine de la structure du matériau permet d'atteindre une complexité géométrique inédite dans les formes créées. Qui plus est, d'autres matériaux anisotropes sont susceptibles d'être utilisés pour obtenir des réactions différentes à un stimulus et créer par exemple une conductivité ou une biocompatibilité. Cette nouvelle méthode ouvre des applications potentielles pour la technologie d'impression 4D, notamment dans les textiles intelligents, l'électronique souple, les dispositifs biomédicaux ou encore l'ingénierie tissulaire. Le professeur Lewis et son équipe ont décidé d'explorer ces pistes et en particulier celle de l'ingénierie tissulaire. En ligne de mire, c'est la possibilité de pouvoir un jour créer des organes de remplacement. Actuellement, la culture de tissu se fait en deux dimensions alors que la plupart des applications pour ces cellules sont en 3D. Dans leur laboratoire, donc, ils travaillent à cultiver des cellules sur des structures plates puis à provoquer leur changement de forme en les plaçant sur une plaie. Hein? Incroyable. Lève-tôt ou couche-tard? Hein? Moi, je sais que je suis un couche-tard et un lève-tôt par obligation. Donc, je dois dormir très peu. Selon l'étude, être matinal ou oiseau de nuit serait inscrit dans nos gènes. Des chercheurs ont scruté les habitudes de 89 000 personnes et ont découvert une quinzaine de spécificités génétiques spécifiquement associées aux réveils matinaux. Les adultes âgés de plus de 60 ans ont une plus grande probabilité d'être debout tôt. Une étude menée par des chercheurs californiens sur plus de 89 283 personnes de la cohorte 23andMe et publiée dans Nature Communications a révélé une sorte de signature génétique chez les personnes se déclarant du matin ou matinale. Chez elles sont retrouvés 15 sites particuliers ou des LOCI, dont 7 se trouvent près de gènes connus pour être impliqués dans le rythme circadien. Ça, c'est l'alternance entre la veille et le sommeil. Parmi eux figure le HCRTR2 lié à la narcolepsie, le FBXL3 qui allonge le cycle circadien et VIP qui prolonge le sommeil paradoxal. Autrement dit, le fait d'être lève-tôt ne dépend pas que de nos styles de vie et de notre environnement, c'est aussi une affaire de génétique. Les rythmes circadiens ou biologiques dont les cycles durent en moyenne 24 heures sont communs aux organismes vivants. Ils ont une incidence sur presque tous les processus biologiques. L'étude rapporte également d'autres observations. Parmi les participants, 56% se considèrent noctambules. D'après les résultats, les adultes âgés de plus de 60 ans ont une plus grande probabilité d'être les plus matinaux. Ils connaissent aussi beaucoup moins d'épisodes d'insomnie sans avoir besoin de plus de 8 heures de sommeil. Ils sont également beaucoup moins exposés à la dépression que les individus qui se sont déclarés couche-tard. En tenant compte des critères d'âge et de sexe, les chercheurs ont également constaté que les personnes à tendance matinale ont un indice de masse corporelle plus bas. Avec prudence, les chercheurs ne font pas de lien direct entre la tendance matinale et la minceur, mais quand même, ça suggère quelque chose. En revanche, David Hines, co-auteur de l'étude, avance l'hypothèse selon laquelle ces nouvelles informations sur cette influence génétique pourront aider à repérer certaines maladies et mieux comprendre les différences de comportement des individus concernant le rythme circadien. Je cite, « Ces découvertes peuvent guider les études futures sur les rythmes circadiens, le sommeil et les troubles associés. » Je trouve ça vraiment super intéressant, ces trucs-là de génétique et de sommeil. Des arbres artificiels maintenant qui transforment les vibrations en énergie. Des chercheurs nord-américains ont démontré qu'il est possible de produire de l'électricité en transformant les vibrations qui passent à travers une structure métallique imitant les arbres. Leur idée est de récupérer l'énergie cinétique qui nous environne en plantant des mini-forêts d'arbres mécaniques à proximité des bâtiments et des ponts qui vibrent en permanence sous l'effet du vent et de la circulation automobile. Même si ça ne se voit pas à l'œil nu, les grands bâtiments tels que les immeubles ou les ponts bougent, ou plutôt ils vibrent sous l'effet du vent, des ondes sismiques, c'est les tremblements de terre, ou de la circulation des véhicules. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont même trouvé le moyen de rendre ces vibrations visibles. Et une équipe de l'Université d'État de l'Ohio aux États-Unis veut transformer ces vibrations en électricité en les captant avec des arbres artificiels. Je cite, « Les bâtiments se balancent très légèrement sous le vent, les ponts oscillent lorsque nous roulons dessus et les suspensions des voitures absorbent les défauts de la route. » Il y a une quantité massive d'énergie cinétique associée à ces mouvements qui se perdent. Nous voulons récupérer et recycler une partie de cette énergie. Donc l'idée n'est pas nouvelle, mais dans un article publié dans le Journal of Sound and Vibration, oui, un journal sur le son et les vibrations, c'est si spécifique. Ces chercheurs disent avoir découvert quelque chose sur la manière d'exploiter ces vibrations lorsqu'elles passent à travers une structure en forme d'arbre. En se servant d'un matériau électromécanique, une bande de polyfluorure de vinyldène reliée à deux poutres en acier, l'une figurant le tronc de l'arbre et l'autre une branche, ils sont parvenus à produire une petite quantité d'électricité à partir des oscillations structurelles provoquées par des énergies aléatoires. Leur structure arborescente parvient à entrer en résonance de façon à maintenir la vibration à une fréquence constante, et ce malgré l'intermittence et l'amplitude variable de la source. Autrement dit, le système est susceptible de fonctionner dans des conditions réelles où le vent souffle en rafale plus ou moins forte et lorsque les vibrations provoquées par le passage de véhicules se font à des intervalles irréguliers. À terme, de tels arbres mécaniques pourraient être installés à proximité de grands immeubles ou de ponts dans des zones où il serait difficile, voire impossible, de déployer des systèmes de récupération d'énergie solaire ou éolienne. Mais dans les faits, nous sommes encore loin d'un tel scénario, car pour le moment, la tension électrique obtenue lors des simulations n'a atteint que 2 volts. Les chercheurs de l'Université de l'Ohio reconnaissent eux-mêmes que le résultat est modeste, mais selon la preuve est faite que les énergies aléatoires produisent des vibrations exploitables. Dans un premier temps, ils envisagent que des arbres mécaniques puissent servir à alimenter les capteurs qui sont installés sur les structures pour en surveiller l'intégrité. En somme, ces équipements seraient alignés directement par les vibrations qui sont censées surveiller, mais il n'est pas interdit d'imaginer que des forêts d'arbres artificiels puissent un jour pousser dans nos villes et sur les toits des immeubles. Et pour terminer, la tyrannie d'Henri VIII serait expliquée par la biologie. Des chercheurs ont fait le lien entre des lésions cérébrales occasionnées lors de tournois de joute et la modification du caractère du souverain, ou comment un traumatisme crânien peut changer le cours de l'histoire. Henri VIII reste l'un des monarques les plus tristement célèbres, alors qu'il est souvent décrit comme un tyran d'humeur exécrable. Une étude apparaît dans le Journal of Clinical Neuroscience suggère qu'en réalité, lorsqu'il était jeune, il était d'une nature plutôt gentille. Ainsi, en 1529, Erasme le décrit comme quelqu'un de convivial et doux dans le débat, affirmant même qu'il agit plus comme un compagnon qu'un roi, mais son tempérament aurait changé suite à plusieurs accidents de joute. Dans cette étude, des chercheurs de l'Université de Yale ont analysé différentes sources historiques sur la santé et la vie du roi. Les descriptions d'Henri VIII dans sa jeunesse le présentent comme un homme intelligent, d'humeur égale, prenant des décisions politiques et militaires sages, rien à voir avec les décisions impulsives et les crises de rage que le souverain montre plus tard. En effet, le comportement du roi a ensuite beaucoup évolué et ces changements coïncident avec 3 accidents majeurs dont il a été victime lors de tournois. Le premier d'entre eux a eu lieu en 1524 où une lance l'a frappé près de l'œil. Et le plus grave de ces accidents se déroula en 1536. Le roi est resté inconscient pendant 2 heures après être tombé de cheval et que l'animal lui soit tombé dessus. Comme l'explique Arash Salardini, l'auteur de ses travaux, je cite, « Les historiens conviennent que son comportement a changé après 1536. » Après ces accidents, Henri VIII a eu des symptômes qui peuvent apparaître après un traumatisme crânien, donc le problème de mémoire, dépression, comportement agressif, anxiété, instabilité émotionnelle. Ainsi, en 1541, il a connu un épisode sévère de dépression. Le roi a aussi fait exécuter 2 de ses femmes, Anne Boleyn en 1536 et Catherine Howard en 1542, toutes 2 dans les mois et les années qui ont suivi ces accidents de joute. Henri VIII souffrait aussi d'amnésie et d'une incapacité à se contrôler, comme le montre cet incident en 1546, alors qu'il assurait à sa femme d'alors, Catherine Parr, qu'il ne l'enverrait pas à la Tour de Londres. Des soldats sont arrivés pour l'amener. Le roi s'emporta contre les soldats. Il avait oublié qu'il avait donné cet ordre la veille. Le traumatisme crânien peut expliquer des problèmes de mémoire, les colères, les maux de tête, l'insomnie dont le monarque était affligé pendant la décennie qui a précédé son décès en 1547. Les auteurs de l'étude concluent qu'il est tout à fait plausible, mais peut-être pas prouvable que la répétition des lésions cérébrales traumatiques ont entraîné des changements dans la personnalité d'Henri. De plus, les chercheurs font aussi l'hypothèse que les lésions ont conduit à un hypogonadisme. Le souverain souffrirait probablement des problèmes d'impuissance, ce qui semble attesté par la correspondance d'une de ses femmes, Anne Boleyn. Pour Arash Salardini, il est fascinant de penser que l'histoire européenne moderne peut avoir changé à jamais à cause d'un coup à la tête. Les articles que j'ai lus sont sur assemblagerequis.com. Voilà, c'est tout pour Merci Science. Tout à l'heure, il nous reste encore le bloc CNX. Et en fin d'émission, on va avoir Samuel Girard pour sa chronique d'un gamer à un autre. Mais pour l'instant, on retourne en chiptune, c'est-à-dire de la musique créée à partir de consoles de jeux vidéo ou encore qui sonne comme des jeux vidéo. Et cette fois-ci, on écoute Put the Heart On. Voici You Make My Heart Sing. Oui, c'est le même artiste que tout à l'heure. MPS, le Mathieu Plante Show. Assez fou. We'll be right back. Mainframe par My Explosion au Mathieu Plancheau. Et avant ça, c'était You Make My Heart Sing par Put the Heart On. Maintenant, c'est le segment Geek Célix. CX, c'est les nouvelles technologiques, informatiques et jeux vidéo depuis les 7 derniers jours. Commençons par des voitures néo-rétro-hybrides et électriques en 2019. Vous pourriez bientôt acheter des voitures électriques avec une caisse en bois. Morgan a annoncé qu'il déclinerait l'ensemble de sa gamme de voitures fabriquées à la main en version hybride, voire électrique d'ici la fin de la décennie. À fond dans le néo-rétro, hein, l'anachronisme, le constructeur de voitures classiques a profité le mois dernier d'une visite du ministre britannique des Affaires pour annoncer un investissement de 6 millions de livres sterling pour l'électrification de sa gamme. Le gouvernement britannique participe au financement au travers de l'Advanced Propulsion Center, le centre des propulsions avancées, dans le cadre d'une démarche globale de réduction des émissions de CO2, de réduction des consommations de carburant et de relance de ce qui reste de l'industrie automobile anglaise avec des embauches à la clé. Mais pourquoi, au diable, le gouvernement britannique tient-il à électrifier les voitures classiques d'une si petite marque? C'est tout simplement qu'au Royaume-Uni, on ne compte plus que de petites manufactures de ce genre. Toutes les grandes marques historiques ont effectivement été revendues à de grandes multinationales ces 10 dernières années. Quoi qu'il en soit, Morgan Motor Company a plus précisément fondé un consortium avec Delta Motorsport, un spécialiste des sports automobiles, ainsi qu'avec Potenza Technology, spécialiste des motorisations électriques. La néo-rétro Aero 8, la gamme classique d'inspiration après-guerre, et même l'étonnant tricycle 3-wheeler bénéficieront aussi ainsi d'une motorisation hybride, voire 100% électrique d'ici 2020. Voilà. Pardon. début de chronique, c'est rare, c'est à la fin de la chronique. Le camion transparent de Samsung d'il y a quelques mois, sinon années, fait ses débuts en Argentine. Le concept de camion transparent se concrétise. Samsung l'a annoncé à La Plata en présence de médias et de représentants du gouvernement qu'il allait mettre en circulation son safety truck sur les routes d'Argentine. La division écran professionnel de Samsung Electronics présentait en juin dernier le safety truck. Il était alors qu'un concept. Quelques mois plus tard, le projet prend vie en Argentine avec le soutien de la sécurité routière locale. C'est qu'une part importante des accidents se produisent dans ces pays lors de dépassements de camions sur des routes à double sens. Entre-temps, Samsung a collaboré avec des spécialistes, avec les constructeurs de camions Volvo, de remorque Helvetica et avec un intégrateur informatique afin d'industrialiser, dans une certaine mesure, la production. Donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Je me rappelle pas de la nouvelle. On retrouve donc à l'arrière de la remorque un mur de 4 écrans qui retransmet ce qui est capté à l'avant par une caméra sans fil. Une voiture qui suit le camion peut ainsi vérifier que la voie est libre sans se déporter et donc sans risquer de collision avec un véhicule en sens inverse. Sur le safety truck de série, les bordures des écrans sont plus épaisses, mais ils sont désormais plus résistants aux éléments comme la pluie et la poussière, et encore plus lumineux afin de rester visible en plein soleil. Samsung et la sécurité routière argentine mèneront l'expérimentation pendant 4 mois, au terme desquels ils pourraient l'étendre à d'autres camions et ou à d'autres pays du monde. Volvo envisage quant à lui d'intégrer une solution similaire à ses futurs camions autonomes. Allez voir les photos, c'est vraiment super cool sur assemblagerequis.com. C'est une des meilleures idées que j'ai vues dans ma vie. On reste dans les véhicules avec Elon Musk qui nous demande pourquoi pas un avion électrique. Après les voitures électriques et la perspective d'un camion du même style, Elon Musk, le PDG de Tesla, a évoqué la possibilité de concevoir de petits avions à propulsion électrique. L'idée fait son chemin dans la tête de l'entrepreneur. C'est à l'occasion d'une conférence donnée lors de la remise des prix du concours de cabine Hyperloop qu'Elon Musk a évoqué le sujet de l'avion à propulsion électrique. Si le patron de Tesla et SpaceX évoquait récemment la perspective de voir arriver des camions électriques dans les années à venir, il a expliqué que l'idée de développer un jet privé exploitant ce mode de fonctionnement avait germé dans son esprit il y a déjà un moment. C'est loin d'être la première fois que Musk évoque un tel projet, notamment en 2009 lors d'une conférence chez TechCrunch et plus récemment en 2015 dans une entrevue avec Marketplace. Il expliquait avoir en tête un concept de jet électrique supersonique à décollage et atterrissage vertical plutôt cool. Et là, il pense avoir mis le doigt sur quelque chose qui pourrait fonctionner. Et dans le présent, il dit « Je suis assez tenté d'essayer quelque chose ». L'entrepreneur à l'époque avait également trouvé intéressante l'idée d'une compagnie aérienne qui n'exploiterait que l'énergie électrique. Allez voir le reste de l'article, il y a une deuxième moitié sur un exemple chez Airbus sur assemblagerequis.com. Toujours chez les avions, le concept de designer canadien Charles Bombardier, peut-être que ça vous dit quelque chose, consistant à faire voler un petit avion à Mach 24, donc 24 fois la vitesse du son, soit 12 fois plus vite que le Concorde, est irréalisable pour longtemps. Cependant, son antipode qui rallierait l'Europe à la côte est des États-Unis en un quart d'heure met en scène une avancée aérodynamique originale. Elle consiste à protéger les bords d'attaque par un coussin d'air pour éviter qu'ils fondent. L'occasion de se pencher sur cette innovation et quelques clés du vol hypersonique chez Futura Science. Donc Charles Bombardier s'amuse Vous le savez, c'est le petit-fils du fondateur de l'entreprise canadienne qui a inventé le motoneige dans les années 1930 et qui s'est recyclé depuis dans l'aéronautique et l'industrie ferroviaire. Ce Québécois a quitté la société familiale quand celle-ci s'est séparée de ses skidoo. Parmi ses multiples casquettes, il est le fondateur d'ImagineActive, ou ImagineActive en anglais, une association sans but lucratif qui regroupe des inventeurs et des designers. On leur doit des concepts originaux comme la moto à quatre roues et la voiture électrique modulaire. Le dernier concept en date est encore plus futuriste, c'est l'Antipode ou Antipod, sans apostrophe en anglais. Pourquoi est-ce qu'ils trouvent pas juste un nom? Antipod. Pas de E, puis tout le monde est content pareil. Un avion d'affaires franchement hypersonique, c'est donc la croisière de cet avion s'effectuerait à 12 000 mètres. Et à Mach 24, soit 24 fois la vitesse du son, donc environ 25 500 km/h. L'engin qui ne pourrait transporter qu'un petit nombre de personnes, par exemple des officiers de haut rang, selon l'article de présentation, volerait donc 12 fois plus vite que le Concorde et mettrait New York à un quart d'heure de Paris. Hein? Pour y parvenir, tout reste à inventer ou presque. Bombardier prévoit une montée et une accélération jusqu'à Mach 5 grâce à deux fusées d'appoint largeables et qui redescendraient sous parachute. La descente, elle, s'effectuerait en vol plané avec deux fusées de secours pour une éventuelle remise de gaz, comme disent les pilotes d'avion, permettant un tour de piste supplémentaire en cas d'atterrissage mal engagé. Les ailes seront protégées de la chaleur par un procédé quasiment révolutionnaire, baptisé de façon absconce LPM pour Long Penetration Mode, le mode de longue pénétration. Il fait appel à l'air. On pourrait sourire de l'audace gratuite et du crescendo depuis la dernière création imaginaire de Charles Bombardier, le Screamer, qui n'atteignait qu'un misérable Mach 10. Mais le concept n'est pas le seul du genre et les constructeurs aéronautiques travaillent aujourd'hui, eux aussi, sur de telles idées. Par exemple, Airbus, dont on a parlé tantôt, qui a déposé un brevet d'un type particulier de volet pour, semble-t-il, un projet d'hypersonique en juillet 2015. Donc, plus de détails, encore une fois, sur assemblagerequipe.com. Les détails sont particulièrement détaillés. C'est, hein? La première impression 3D dans l'espace maintenant. Une imprimante 3D conçue par le groupe français Altran a fabriqué ses premiers objets à bord de la Station spatiale internationale, ce qui potentiellement permettra aux missions dans l'espace d'être plus autonomes. L'imprimante baptisée Portable Onboard Printer 3D a été conçue et fabriquée par Altran en collaboration avec Thales Alenia Space et l'Institut italien de la technologie, donc le IITIIT. L'expérience qui a duré près d'une heure consistait en une séance automatisée de production de petits objets en plastique qui seront renvoyés sur Terre afin d'être comparés avec des objets géométriquement identiques, a précisé le groupe dans un communiqué. Cette expérience coordonnée et parrainée par l'agence spatiale italienne ouvre la voie à la production d'objets utiles, donc des objets nouveaux ou des pièces de rechange, à bord de l'ISS, qui n'aura plus à dépendre uniquement des missions d'approvisionnement depuis la Terre. L'expérience a été menée par Scott Kelly, un astronaute américain qui est parti en mars 2015 pour une mission d'un an dans l'ISS, dont il assure actuellement le commandement. Les imprimantes 3D permettent de produire à l'identique un objet en superposant des couches de résine ou de plastique pour reconstituer sa forme tridimensionnelle sur la base de données issues d'une image numérique. Microsoft veut transformer votre salon en stade de football. Microsoft donc continue à décliner les usages possibles de son casque de réalité augmentée HoloLens. Après avoir montré comment le système peut transformer une pièce en jeu vidéo, le constructeur dévoile une nouvelle démonstration centrée sur le football américain. Les amateurs pourraient notamment suivre l'action en 3D directement sur leur table de salon ou afficher des statistiques sur les murs de la pièce, à condition évidemment d'avoir assez de place. La retransmission sportive suit toujours de près les dernières innovations technologiques. Le football est un argument de vente récurrent chez les constructeurs de télévision qui veulent proposer des expériences toujours plus immersives. Mais la haute résolution et la 3D pourraient bientôt être supplantées par une autre technologie qui est la réalité augmentée. C'est en tout cas la vision de Microsoft qui propose de faire entrer le stade dans votre salon avec HoloLens. Dans ce concept, le casque de réalité augmentée de la firme de Redmond est déjà utilisé pour étendre la diffusion du match autour de la télévision, créer une version miniature d'un stade sur la table basse ou encore afficher des informations sur la rencontre sur les murs du salon. Ce qui est intéressant dans cette démonstration, c'est que Microsoft montre comment il entend faire fonctionner ses casques en réseau. En effet, on apprenait récemment grâce à un employé de la société que les appareils pourraient fonctionner de concert et permettre à plusieurs utilisateurs de partager la même expérience. Microsoft a pourtant déjà été accusé de présenter des concepts qui mettent l'HoloLens dans des situations qu'il ne pourrait pas vraiment afficher. Le champ de vision proposé par l'appareil, pour se donner une idée, se rapproche d'un écran de 15 pouces placé à 60 cm du visage. Pour regarder des versions grandeur nature des joueurs de Super Bowl débarqués dans son salon, il faudrait donc se placer à une certaine distance. En plus de travailler sur le côté immersif de l'appareil, Microsoft devra également régler les questions d'étrangeté sociale que soulève l'utilisation de ses casques en public. Dans le concept, les utilisateurs de casques ne semblent pas isolés des autres personnes présentes dans la pièce, mais dans la réalité, on imagine que porter un gros casque au look futuriste dans son salon ne sera pas la pratique la plus socialement acceptée. Les premiers kits de développement devraient être disponibles dans les prochains mois pour $3000 américains. On parle de caméra maintenant, l'appareil qui va vous empêcher de prendre des photos trop clichés. Ça, c'est super vieux comme gadget, je me rappelle en avoir parlé il y a genre 6 mois de ça, mais apparemment ça a avancé un petit peu en technologie. Donc les appareils photo détectent déjà notre visage, notre sourire et possèdent un nombre incalculable de filtres. Certaines applications permettent même d'inverser les rôles et de rendre notre smartphone jetable. Mais le monde de la photographie n'a pas fini de progresser et si notre appareil nous empêchait de prendre des photos trop clichés, c'est-à-dire déjà trop présentes sur le web. C'est la caméra Retrica créée par Philip Schmidt et dont le nom fait référence au premier appareil de photographie, n'est pas un appareil photo comme les autres et il évite à son utilisateur de prendre des photos d'objets ou de vues quand il en existe déjà trop sur le web. Connecté grâce à un smartphone, l'appareil géolocalise et recherche en ligne le nombre de photos qui ont été prises à proximité grâce à un serveur appelé Node. En lien avec Flickr et Panoramio. La caméra, quant à elle, balaie une superficie de 35 mètres par 35 autour de la position géolocalisée. Si l'appareil décide, après un certain temps, après un certain seuil spécifique à chaque lieu, que trop de photos ont été réalisées au même endroit, il se rétracte et bloque le viseur et est alors impossible de prendre une photo. Et c'est vraiment radical. Sur son site, le créateur explique que cet appareil photo, qui n'est encore qu'un prototype, pourrait servir aux institutions du secteur privé et public qui veulent limiter la photo en public, mais il pourrait aussi servir aux personnes frustrées de prendre des photos qu'ils ont déjà vues et revues. Ce produit de technologie controversée promettrait donc des photos uniques et empêcherait l'utilisateur de contribuer au débordement de l'imagerie numérique. Une nouveauté qui va à l'encontre de la décision de vote du Parlement européen qui a rejeté un projet de loi qui visait à restreindre la photographie de certains monuments et sculptures dans les lieux publics en 2015, permettant ainsi la liberté de panorama à tous les pays de l'Union européenne. Au Japon maintenant, ouverture d'une boutique où les vendeurs seront des robots. Conçu par la société française Aldebaran Technologies, le robot Pepper connaît un grand succès au Japon, à tel point que l'opérateur téléphonique japonais SoftBank, qui possède désormais l'entreprise, a décidé d'ouvrir une boutique de téléphonie dont les vendeurs seront exclusivement des Pepper. Hein? Selon Engadget, l'opérateur téléphonique japonais SoftBank aurait annoncé qu'il comptait ouvrir d'ici la fin du mois de mars la première boutique de téléphonie mobile où les vendeurs sont tous remplacés par des robots Pepper. L'opérateur en avait déjà déployé dans ses boutiques. L'un d'eux s'est même fait frapper pour faire la présentation pop. Pour faire la présentation des forfaits et des différentes offres disponibles. Mais c'est la première fois que les clients n'auront plus la possibilité de s'adresser à des humains, a priori. Le robot pourra répondre aux questions des clients et les conseiller pour choisir une formule d'abonnement plutôt qu'une autre. Il s'agit aussi pour la firme de faire une démonstration technologique et publicitaire, puisque Pepper est un robot créé par la société d'origine française Aldebaran Technologies, désormais détenu à 95% par SoftBank. Bruno Maisonnier a vendu l'ensemble de ses parts et le japonais Fumihide de Tomizawa, président de SoftBank Robotics, PDG d'Aldebaran Robotics depuis mars 2015. L'arrivée des robots dans les boutiques est toutefois bel et bien une réalité, y compris en France où l'enseigne Carrefour a commencé à en accueillir. En 2014, Nestlé avait ainsi annoncé l'achat de 1000 robots Pepper pour équiper ses boutiques Nespresso, mais là aussi en complément de ses vendeurs humains pour aider à conseiller la clientèle. L'humain reste encore nécessaire, en tout cas pour l'instant, le jour où les robots seront capables d'aller chercher les produits en réserve et de traquer les voleurs. La situation changera peut-être. Dans les nouvelles plus généralistes, Amazon va ouvrir entre 300 et 400 librairies aux États-Unis. Le cybermarchand Amazon aurait de grandes ambitions au-delà de sa boutique en ligne et prévoirait même d'ouvrir plusieurs centaines de librairies rien qu'aux États-Unis. Le 3 avril 1995, John Wainwright, l'un des premiers testeurs de la bêta privée d'Amazon.com, passait la première commande enregistrée sur le site. Il achète un livre de science titré « Fluid Concepts and Creative Analogies » par Douglas Hofstetter. Par la suite, la société s'est rapidement imposée sur le marché du livre avant de se diriger vers le livre électronique et ses liseuses Kindle. Mais la société de Jeff Bezos se souhaite aller plus loin et s'imposer désormais sur le marché des librairies physiques ayant pignon sur rue. Le Wall Street Journal rapporte en effet les propos de Sandeep Matrani, directeur de la chaîne de centres commerciaux General Growth Properties, lequel indique qu'Amazon a pour ambition d'ouvrir entre 300 et 400 boutiques sur le territoire américain. Pour Amazon, le pari est simple. La société cotée sur la cour du Nasdaq se doit d'être rentable et commence déjà à diversifier ses services. Au-delà du commerce en ligne, la multinationale multiplie ses souscriptions dans le domaine de la vidéo ou de la musique en streaming et entend désormais concurrencer les librairies historiques présentes aux États-Unis déjà. Parlant de renversement de situation, Orange renverse le modèle. Le fournisseur d'accès à Internet en France propose à ses abonnés une opération au titre de achat digital, parce qu'évidemment les Français savent pas qu'il y a un mot pour digital en français, c'est numérique. Donc achat digital DVD offert. On connaît bien les copies numériques accompagnant de nombreux produits audiovisuels vendus sur support physique. Vous achetez un DVD, un Blu-ray ou un vinyle et vous obtenez dans l'emballage un code permettant de télécharger l'œuvre sur Internet. Facile. Ce service dispense l'acheteur d'une lourde procédure de copie de sauvegarde qui implique en plus de casser des mesures de protection et viol, dans certains cas, la loi. On connaît moins les copies physiques, c'est ce que lance Orange, qui propose de rematérialiser un film acheté en dématérialisé. Sur son site de vidéos sur demande, il ouvre une rubrique achat digital, DVD offert, qui comprend une sélection d'une quarantaine de films éligibles vendus entre 8 et 10 euros l'unité. Bref, il y a plein de films là-dedans, mais c'est qu'Orange donne l'intérêt à l'achat de la vidéo. Donc, il mêle effectivement l'instantanéité et la praticité du streaming à la pérennité du DVD. Voilà, c'est quand même une idée spéciale. Peut-être qu'on verra ça un jour au Québec ou au Canada. Je sors quelques articles que vous pourrez aller lire et qui ont quand même fait le tour, là, entre autres Microsoft qui veut installer des centres de données dans l'océan. On parle aussi de la téléphonie mobile avec la 5G à 56 Gbps testée avec succès. Mm-hmm. Barbie qui s'est enfin développé des jeux vidéo, hein, la gamme de Barbie QV2016 fait entrer un peu plus la célèbre poupée dans la vie active au programme, entre autres une version développeuse de jeux vidéo, mais je pense que l'article vaut pas vraiment la peine d'être lu. Il y a un homme qui est mécontent de son opérateur qui crée un bot qui tweet dès que son débit est trop bas. Donc nombreux sont ceux qui un jour ou l'autre ont rencontré des problèmes de débit avec son opérateur, son fournisseur de téléphonie. Il existe de multiples options dans ce cas, comme de décrocher un téléphone, changer de fournisseur ou passer un temps fou à trouver ce satané domino. Un utilisateur anonyme de Reddit, dont le pseudonyme est Alexey P, a été plus imaginatif en faisant un bot qui envoyait des messages sur Twitter à compte, à débit, assez rapide, aussitôt que son internet était trop lent. Il y a une université américaine qui oblige ses étudiants à porter un bracelet Fitbit. L'université Oral Roberts de Tulsa dans l'Oklahoma a mis en place une nouveauté dans son cursus pour éviter à ses étudiants de grossir durant leurs études. Ils doivent porter un traceur d'activité Fitbit et peuvent être pénalisés s'ils ne font pas assez d'exercice. On va faire celui-là au complet parce que j'en ai parlé en intro tantôt. La prochaine fois que vous ressentirez une pointe de jalousie envers ceux dont les amis Facebook se comptent par milliers, sortez cette nouvelle étude de l'Université d'Oxford. Qu'on ait 10 000 ou 100 amis Facebook, les chercheurs britanniques sont arrivés à la conclusion que l'utilisateur moyen compte 14 amis proches et seulement 4 sur lesquels ils peuvent compter en cas de problème majeur. En étudiant 3375 cobayes humains, dont 2000 se définissaient comme des utilisateurs fréquents des réseaux sociaux, ils ont constaté que le nombre de vrais amis ne variait pratiquement pas selon l'âge ou le nombre d'amis Facebook. C'est juste une règle généraliste. Et finalement, Donald Rumsfeld est créateur de jeux vidéo. Oui, l'ex-secrétaire à la défense américain et un des faucons de l'administration Bush a créé un jeu vidéo. Et il ne s'agit pas d'un jeu de guerre, encore moins d'un canular, mais d'une version de solitaire qu'aimait particulièrement Winston Churchill. L'appli s'appelle Churchill Solitaire. La variante utilise deux paquets de cartes en guise de pioche, 10 colonnes au lieu de 7. Sur le site Medium, M. Rumsfeld explique qu'il s'agit probablement du jeu de logique et de casse-tête le plus exigeant et stratégique et qu'il ne voulait pas le voir relégué aux oubliettes. À 83 ans, je cite, j'ai décidé de développer une application, explique l'ex-politicien. J'ai fait des affaires, de la politique, la guerre, et maintenant, je me fais la main au jeu mobile. Voilà pour Donald Rumsfeld et voilà pour CNX. Le top des jeux vidéo en club vidéo, allons-y. Encore une fois, comme il y a avant les fêtes, il manquait la 10e place, donc allons-y avec le top 9. 9e place, NHL 16 sur la PS4. En 8e, Grand Theft Auto 5 sur la PS4. En 7e, Call of Duty Black Ops 3 sur la PS3. En 6e, Grand Theft Auto 5 sur la Xbox One. En 5e, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur PS4. En 4e, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur Xbox One. En 3e, Final Fantasy Explorer sur la 3DS. En 2e, Call of Duty Black Ops 3 sur la Xbox One. Et le même jeu est en première position, mais sur la PlayStation 4. Voilà, les liens sur assemblagerequis.com, bien sûr. Maintenant, on est rendu à une autre pièce de chiptune, c'est celle de Breeze Squad. Voici Push and Go. Et au retour, Samuel Girard sera là pour la chronique d'un gamer à un autre. MPS, le Mathieu Plancho sur ses fous. Vous êtes assez fous. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Yeah. Bon, on est toujours au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. On a l'habitude de commencer l'émission avec Samuel Girard habituellement, mais là, cette fois-ci, c'est spécial, c'est différent. Je sais pas si Sans Lover a besoin de préliminaires. Il voulait que je fasse l'émission avant de commencer sa chronique. Donc le voici avec The Gamer à un autre. Salut Samuel Girard! Hey! C'est sensuel pour commencer. Ça n'a pas l'allure, voyons non. Hey, j'avais envie de mimer chaque instrument. Tu l'as fait, t'avais pas le champ à vivre. Ouais, c'est ça. Puis je parle évidemment pas d'instruments sexuels. On avait compris. Ça va, hein, c'est ça. Ah ouais, en écoutant de la musique, on comprend mieux. C'est si tu l'avais dit pas de musique, ça aurait été louche. Une chance que j'ai pas mimé, c'est ça. Ouais, bref, celui-là. On parle d'amour aujourd'hui, apparemment. Ben oui, ça a l'air que c'est la Saint-Valentin bientôt. À ce qui paraît. À ce qui paraît. Même si on est beaucoup à dire « fuck la Saint-Valentin ». Ouais, exact. Alors que d'autres disent « je fuck à la Saint-Valentin ». Ouh, hey, c'est excellent, ça. Bref, ouais. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben, très simple, je voulais amener les couples célèbres dans les jeux vidéo. Mm-hmm. Premièrement, en fait, je vais juste faire une petite parenthèse avant de commencer parce que ça vient de me sauter dans la face à l'instant. Ils viennent d'annoncer un film d'animation de Sonic pour 2018. Oh, allô! Oh, oui! Et ça va être meilleur que la série télé et les jeux vidéo récemment? Ça dépend quelle série télé. Sonic Boom en ce moment? Ouais, non, ça, non. Non. Les jeux vidéo de Sonic Boom, pas très bien cotés non plus. Non, effectivement. Donc, j'espère que ça va être un retour aux sources. Espérons-le. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est triste. Ça a marqué ma jeunesse, ça, Sonic. Ils vont détruire ça. Je vois ça se dégrader à vue d'œil. C'est triste. Tellement. Ouais, c'est ça. Bref, donc, c'est ça. J'ai sorti un site qui disait... qui sortait une liste des couples célèbres dans les jeux vidéo. Ah. On va faire le tour. Par contre, j'ai été très critique envers l'article. OK. Tu vas avoir des points à ajouter ou... Ben, en fait, à la gang, on va peut-être avoir des critiques à faire. Okay. Parce que j'ai réalisé en regardant la liste, parce que je connais pas tous les jeux. Je connais pas toutes les histoires des jeux que je vais sortir là. OK, c'est normal, j'ai pas le temps de tout jouer. Non, mais là, on est qu'humain. Hein. C'est ça. Ce que j'ai cru comprendre... C'est que, en fait, c'est pas nécessairement juste des couples dans la liste, mais aussi des partenaires. Ah ouais, OK. OK, des coéquipiers. Coéquipiers de travail, exactement. Donc, ça se peut que j'en nomme, puis qu'il y en a qui vont dire dans ça leur moto, ils vont dire, ben voyons donc, ça a jamais été un couple dans le jeu. Non, mais ça a peut-être été un Christy de bon duo. Hey, de surveiller ton logueur! J'ai pas sacré. Ben, t'as raison. Mais, un mot du bon duo. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir aussi sortir les plus belles poitrines de ces couples-là, comme on l'a fait il y a deux semaines? Sûrement. Les poitrines dans les jeux vidéo, c'était ton dernier ouais. sujet ou ton avant-dernier non, sujet? Non, dernier. C'est le deux semaines, ben oui. Le temps passe tellement de façon aléatoire. Ouais, c'est de façon le temps est un flou devant moi. Mais peut-être qu'on aura donc Pauline au numéro 1, comme on avait eu Pauline au sommet des plus belles poitrines. Ben là, en fait, c'est que ça a l'air d'être un top 100. Ça a l'air d'être juste une liste quelconque. Il n'y a pas d'ordre là-bas. Non, j'ai pas de numéro, rien. D'accord. Donc, je vais partir la liste. Et on commente au fur et à mesure. C'est ça. Donc, tu m'arrêtes. En fait, je vais sûrement te défiler parce qu'il y en a beaucoup. OK. Donc, tu m'arrêtes s'il y en a qui t'accrochent. Là. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai Alan et Alice de Alan Wake. OK. J'ai Elk et Liesa de Ark the Lad. Ezio et Sophia de Assassin's Creed Brotherhood. Darren et Angelina de Black Mirror 2. À date, il n'y a pas beaucoup de jeux que je connais. Non, là. À date, c'est obscur un peu c'est quand même. Ça. C'est des jeux semi-connus, mais on n'a pas nécessairement pas vu les gens. Nous, on n'est pas dans la catégorie de jeux. Exactement. Ouais. Celui-là, Ryu et Nina de Breath of Fire. Okay. Tu as déjà joué à Breath of Fire? Jeu de rôle, ça, non? Oui. Je ne connais pas tant que ça. Non. OK, mais ça, c'est dans ma liste de must à jouer. OK. Eddie et Ophelia de Brutal Legend. J'ai Alucard, Tepes et Maria Renard de Castlevania Symphony of the Night. Okay. Ça, c'est un excellent jeu. Faut que je le joue un moment donné. Ça va faire référence à il y a deux semaines. Donc, Vincent et Catherine de Catherine, qui étaient dans le top 43 de Playboy. Chrono et Marley de Chrono Trigger. Bien sûr. Max et Monica de Dark Cloud 2. Isaac Clarke et Nicole Bremen de Dead Space 2, je connais même pas ça. Dante et Trish de Devil May Cry. Ça, c'est un couple assez gothique. Okay, okay. Si je peux dire ça comme ça. Laharl et Etna de Disgaea. Ça, c'est un exercice d'articulation. J'ai aussi vu ce mot-là, j'avais aucune idée comment le prononcer. Moi, j'ai toujours prononcé dans ma tête Disgaea, mais j'ai aucune idée. Ben, c'est ça, mais ce gars comme moi aussi, j'ai de la misère. Pourquoi pas? J'en ai aucune idée. Le prochain est très connu, Donkey Kong et Candy Kong. Oh oui, Candy Kong, cette relation-là aurait pu être, je dirais, un petit peu étirée plus que ça. En tout cas, à part dans le dessin animé, on n'a pas vu Donkey avec Candy très très souvent dans la série officielle de jeu. Effectivement, il y en a même qui dit que c'est une relation un peu incestueuse, vu qu'ils ont le même nom de famille. Ils s'appellent tous Kong. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. J'ai Diddy Kong et Dixie Kong. Ah, là, eux, c'est clairement un couple. Ben oui. C'est les plus beaux. Kite et Black Rose de Dot Hack. Donc, ça, moi, les Dot Hack, c'est plus pour moi des séries que j'écoute, mais il y a des jeux aussi. Mm-hmm. Donc, ça vient de là. Il y a Hero et Lady Laura de Dragon Warrior. Dirk et Princess Daphne de Dragon's Lair. Plus connu comme jeu, mais le couple en tant que tel, ça m'est moins... Celui-là, je savais pas qu'il y avait un couple associé à ce jeu-là. Donc, Earthworm Jim et Princess What's Her Name? Oui, je me souviens de ce jeu-là avec la vache qui tombe du ciel. La princesse, spoiler alert, elle meurt pas en dessous d'un frigidaire à la fin du jeu, genre. Ça se peut, il se passe plein de trucs louches dans Earthworm Jim. C'est génial, c'est un jeu, c'est fun. Ben oui. Je me rappelle là, des heures de plaisir. Exact. Sinon, j'ai Monkey et Trip de Enslaved. Okay. C'est un peu étrange quand on regarde l'image. Il y a des images à chaque? Oui. OK, sur la page Facebook du Mathieu Planchon, on va pouvoir voir ça. Hein. Ben, en fait, faudrait que j'aille poster le lien. Okay. En fait, je vais le faire à l'instant. Ben, fais-le pendant qu'on en parle. Moi, je vais vous dire que la page Facebook, c'est simple, c'est facebook.com. Mathieu Planchon, M-A-T-H-I-E-U. P-L-A-N-T-E, S-H-O-W. Hein? Je me suis dit, je vais prendre le plus de temps possible. Ben non, mais c'est très bien. Yeah. J'aime ça, cette façon de procéder-là. Donc, voilà, donc le lien est maintenant disponible sur la page Facebook du Mathieu Planchon. Donc, si Mathieu, tu veux aller voir, tu vas pouvoir suivre avec moi. Parce qu'en fait, les images, ça dit juste c'est qui les personnages que je parle. J'ai encore les poitrines sur le dessus de la page pour l'instant. Puis là, je peux comme pas actualiser. Il y a une poitrine. C'est de toute beauté. C'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Ouais, sinon, oui. Cécile et Rosa de Final Fantasy IV. Ils sont toujours jolis, les gens dans Final Fantasy. Oui. Ben regarde, Locke et Céleste de Final Fantasy VI. Ouais. Mm-hmm, mm-hmm. Cloud et Tifia de Final Fantasy VII. Ils ont mis dans le même coin, les autres. Ben oui. Mm-hmm. Squall et Rinoa de Final Fantasy VIII. Ouais, OK. Tidus et Yuna de Final Fantasy X. Ouais. Et là, on quitte Final Fantasy. Donc, Gabrielle Knight et Grace Nakamura Gabrielle Knight. Le genre de sportif avec la petite bibliothécaire. Ça fait vraiment ça. Dom et Maria Santiago de Gears of War. Lui, est-ce que ce serait raciste de dire qu'il a l'air d'un criminel? Parce qu'il a l'air vraiment comme bête en maudit, ça. Mais c'est ça. C'est des soldats entraînés pour tuer. Donc, ils ont la personnalité qui va avec. Tant mieux. C'est ça. La prochaine est assez explicite. Kratos et Aphrodite de God of War. La fille est sur un lit dans une pose suggestive. Oui. Et disons qu'il n'y a plus trop de linge. Hein? Elle veut de lui. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ça, c'est un des rares jeux avec une scène de nudité assez claire là, dans les jeux commerciaux. Là. Pas besoin de hack pour l'avoir. C'est direct. Ryudo et Elena de Grandia. Mm-hmm. Ensuite, on a Dr. David Stylus. J'aurais dit Styles, mais mettons. Ouais, Styles et Laura Styles de Grey Matter. Donc, encore deux personnages qui ont le même nom de famille. Un couple modèle, on dirait, une photo que tu aurais dans ton portefeuille. Oui, exact. Et qui vient avec, tu sais. Manny et Mercedes de Grim Fandango. Des squelettes, quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est louche. Fandango, pour moi, c'est une excellente chanson de Pain of Salvation. Bon. C'est pas un jeu. OK. Excusez. Gordon Freeman et Alex Vance de Half-Life. Je savais pas qu'il y avait un couple dans l'histoire de ce jeu-là. On voit pas souvent la fille sur la pochette. On dirait qu'il met tout le temps le gars sur la pochette. Ouais, c'est ça. De ce jeu-là. Master Chief et Cortana de Halo. Est-ce qu'on s'entend que ça, c'est des partners? C'est pas un couple. C'est ça. Puis en plus, il y en a une qui n'existe pas. Ouais, c'est elle, ça. Un spectre ou comment t'appelles ça, une intelligence artificielle. Ouais. Cherchez le mot. Mais c'est ça. Donc, je le sais qu'elle est tout le temps dans Master Chief, mais je suis pas sûr que ça compte pour être un coup. Dans Master Chief. C'est vrai. Sauf pas qu'on a l'air d'être comme en attente sur une ligne téléphonique. Oui, hein? Votre appel est important pour nous. Gardez la ligne. Ce top 100 continuera dans quelques instants. C'est excellent. Ico et Yarda de Ico. Je connais aucunement ce jeu-là. Moi non plus. Ouais. C'est censé être des coupes populaires, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeux que je Un top 100. Ouais, c'est sûr que t'as de la place pour en mettre beaucoup. Le prochain, je le connais. Donc, Lucas et Carla de Indigo Prophecy. Fahrenheit. Donc, ça, c'est mon frère qui a joué énormément à ce jeu-là, donc c'est pour ça que je le connais. Sinon, on a Jack et Kira de Jack and Daxter. Génial, Jack and Daxter, c'est cool. Ouais, oui, j'avoue. Ensuite, on a Roger et Jane de Jeanne d'Arc. Mm-hmm. Je redis et Jeanne, si je le prononce de la même manière. Ouais, souvent dans le jeu vidéo, ils doivent dire Jean. Ouais, c'est ça. Qu'on dit, mais ça veut dire qu'en anglais, ils disent Jeanne d'Arc. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Hein, c'est... Ouais. En tout cas. Ouais. Soja et Kyrie de Kingdom Hearts. Oui, les garçons aux gros souliers. De oui, Kuhn. Oui, mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Exact. Il y a des pieds disproportionnés par rapport à la taille du personnage. Tellement. Ouais. Ça, Kingdom Hearts, ça, c'est dans ma liste de jeux à jouer très bientôt. Ouais, tu me l'as déjà dit. Oui, puis, c'est oui. Toujours pas et fait, ça... mais... Non, je le sais, c'est par manque de temps, ouais. Mais ça s'en vient. Je comprends ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Edgar et Rosella de King's Quest 7, The Princess Bride. Oh, The Princess Bride, ça me rappelle le film The Princess Bride. Ah oui? C'est un bon film, c'est un bon, bon film. Ok, c'est bien. Mm-hmm. Mais c'est pas ça. pas ça du tout. Ah, ok, gars, c'est encore quelqu'un qui m'écrit et m'a dit que le stream ne marche pas. Ah, ben bon, il faut faire ça avant la fin de l'émission. C'est ça, donc raison de plus de. Ouais. Ouais. Quand ça arrive, tout le monde, faut nous dire le plus rapidement possible, sinon on sait pas, nous autres. Je m'excuse. On n'écoute pas le stream, nous autres, on écoute la vraie radio parce qu'on est dans une station de radio. Ouais, c'est ça. S'il fallait qu'on écoute le stream des corridors, il y aurait un délai de 30 secondes à chaque fois qu'on dit quelque chose. Exactement. C'est un peu confus, je trouve, mais bon. On préfère le FM parce qu'on est au 89,1. Ouh. FM. C'est bien dit. Ouais. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est réglé pour ce côté-là. Mets ça dans ton tiroir de CFA. Ouais, c'est ça. Maxime et Salam de Lufia. Ok. Mm-hmm. Lufia qui est un jeu impossible à acheter au Super Nintendo. T'as essayé parce que tu collectionnes ça? Ben oui, problème. C'est ça. C'est ça. Donc quand c'est un jeu qui coûte en haut de 100$ usagé, là, ça va aller. Ça commence, ouais. Alex et Luna de Silver Star. Lunar de Silver Star, pardon. Hero et Lucia de Lunar 2 Eternal Blue. Mm-hmm. Nal et Ruby. Lunar de Silver Star, Lunar 2 de Eternal Blue, donc c'est deux ça, chats. C'est deux chats, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est bien. Garde encore Mappy et Mappico de Mappy Land, c'est deux souris. Deux souris. C'est le bloc animalier. Oui. Ouais. Max Payne et Mona Sax de Max Payne. Okay, oui. Zero et Iris de Mega Man. Ça, c'est un peu étrange comme. Comme combo, hein. Un, ouais, un robot et un une robot. Fillette. Encore une fois, au pied disproportionné. Oui, oui, c'est ça. Mais lui, c'est un robot, ça passe. C'est ça. L'autre, c'était pas un robot. Ouais. Solid Snake et Meryl Silverberg de Metal Gear. Ça finissait ça, cette chanson-là. Ouais, c'est bizarre. Hein? Ouais. Ouais, Samus Aran et Adam Malkovich de Metroid. Oh oui, ben oui, avec son petit suit. Ben oui. Bleu. Oui. Samus Aran. Ah, j'aime ça, ce suit-là. C'est un beau suit, oui. Oui. Oui. C'est ça son Zero Suit? Zero Suit, c'est pas ouais, suit. C'est, oui, c'est ça, Zero Suit. Okay, c'est celui qu'on a nommé il y a deux semaines. Ok, mais ouais, mais pas Zero là-dessus, il est habillé. Je pensais que Zero Suit c'était plus. Non, Zero Suit, c'est qu'elle a pas le suit. Ok. Zero Suit, pas de suit. Zero Suit, ça veut dire que c'est juste en habit. Ah oui. C'est ça. Puis tout nu, t'appellerais ça quoi, moins un suit? Hmm. Ouh. Mm. 69 suit. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Donc, Guybrush Threepwood et Ellen Murley de Monkey Island. Ça, Guybrush Threepwood, là, c'est un drôle de nom. Oui, hein? Garçon brosse, trip bois. Je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Bien traduit. Merci. Liu Kang et Katana. Oh. Ouais. Ouais. On l'a vu dans Mortal le Kombat. Top des poitrines la semaine passée. Oui, c'est ça. Mais ben, c'est Kitana. Je sais pas pourquoi ils ont écrit Katana. C'est yo. Kitana. Ah ben... Fait que ça, c'est des critiques que je fais un peu à l'article. Hey, là, c'est Kitana. Tu parleras d'un article que t'as trouvé sur un coin de table, ça, là? Si ça n'a pas écrit. Regarde, laisse faire. Et ça, je suis pas sûr que le couple ait été mis officiel dans le jeu vidéo, dans le film. Ils deviennent un couple. De Mortal Kombat. Oui. Okay. Mais le jeu, je suis pas convaincu. Mm-hmm. Ok, j'ai peut-être pas assez suivi les jeux plus récents où là, il y a des histoires peut-être que... C'est peut-être juste non dit. C'est ça. Ouais. Non, mais quelqu'un pourrait... Mais moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est seulement dans le film qu'ils deviennent un couple. Eh ben. Ouais. Atreus et Catherine de Myst. Ça, c'est des vrais acteurs, là. Dans le jeu, non? On dirait des vrais acteurs. Tu parles pour le jeu Myst? Ouais. Ben, des fois, c'est un peu des fan art qu'ils mettent. Ah, okay, c'est sûr que des fois, ça représente peut-être pas nécessairement le jeu. C'est pour ça que des fois, je suis prudent avec l'image. Ouais, moi, je suis pas pris dans le truc, mais ils font. Hein, ouais. Mais c'est la trame sonore de Les Jeux Sous de Larry Seven. C'est quelqu'un ça. Qui l'a mal ripé. Jumpy et Akane. Akane? Je peux dire ça comme ça. Ouais. Donc, 9 hours, 9 person, 9 doors. Ils vont dans l'obscur, je trouve. Oui, hein? Ouais. Oui. Ryu et Eren de Ninja Gaiden. Ça va, oui. Oui. Oswald et Gwendolyn de The Odin Sphere. Okay. Oki et Amaratsu de Okami. C'est quoi, c'est des deux chiens? Deux chiens, des loups. Des chiens, ouais. Chiens, loups, ouais. Okay. C'est ça. Entre chien et loup, comme on dit. Oui, c'est ça. Le prochain. Ah. Pac-Man et Miss Pac-Man. Ben oui. Je me demandais si c'était pas un père-fille, quelque chose comme ça, mais si c'est un couple, c'est un couple. Non, c'est un couple. Mais oui, si tu joues à Miss Pac-Man, on le voit. Miss Pac-Man, elle s'appelle Madame Pac-Man. Ben oui. Ils sont mariés, c'est clair. Mais c'est ça. C'est ça. Exactement. Puis ils jouent à Miss Pac-Man, on les voit un moment arriver face à face avec un petit cœur qui apparaît. Là. Ben par contre, faut quand même se dire que Miss Pac-Man, ça aurait pu être Pac-Woman aussi. Oui. C'est comme Superwoman, c'est pas Miss Superman. Ouais, c'est ça. C'est un peu rétro-rétrograde. Mais c'est pas un couple, me semble, si je me souviens. Ah, c'est ça la fin. C'est ça. Frère et soeur, ça, en tout cas. Bref. Ouais, c'est ça. Aïe, oh, là, faut que je dise au monde, vous pognez la reprise. Hey, hein, on vous répondra après l'émission, bande de vous autres, franchement. Mais non, j'aime ça le faire live. C'est bien. Mais oui, faites de la bonne radio. On est au service de nos auditeurs. Sauf ceux qui écoutent ces références. Ouais, c'est ça. Kyle Madigan et Aaron Bra de Parasite Eve. Okay. Don et Adrian de Phantasmagoria. Mm-hmm. Phoenix Wright et Maya Fait de Phoenix Wright Ace Attorney. On dirait un avocat et une jeune élève du, de la fin du primaire, mais ok. Appelle juste l'âge. Japan. Oui, Japan. Ouais, because ça. Japan. Because Japan. Hashtag because avec Japan. Les mains, là. Le prochain, je l'aime vraiment pas, c'est Ash et Misty. C'est pas un bon couple, quoi? Non, ça a jamais été un couple, et c'est les personnages de la série. Dans le jeu Pokémon, c'est pas ces personnages-là. Okay. Il y a Misty comme gym leader, mais Ash n'est pas dans les jeux. Ah. C'est red, c'est yellow, c'est blue, c'est green. Okay. Il n'y a pas de Ash dans les jeux. Donc ça, c'est un très mauvais choix. Okay. C'est ça, ça ne marche pas. Mais un beau couple. Hein? Un beau couple, quand même. Oui, ben oui, c'est le couple que tout le monde veut voir dans la série. Voilà, voilà. Même chose encore, James et Jesse de Pokémon. Ben oui, ils sont pareils. Encore là, ils sont pas dans la série de jeu. Okay. Et c'est pas un couple dans la série. Ah, hein? C'est ça. Donc ça a été un peu raté, cette partie-là. Outrage. Ouais. Popo et Nana de Ice Climbers. Eux autres, là, je commence à me demander comment ça fait qu'ils sont encore dans les Smash Brothers. Y a-t-il quelqu'un, sérieusement, qui veut jouer avec Popo et Nana de Ice Climbers dans Smash Brothers? Non, mais peu importe, c'est une belle référence. Oui. C'est correct. C'est vrai. C'est ça. Shell et Companion Cube de Portal, ça doit être une bonne blague. Le cube dans Portal que tu peux déplacer. C'est ça. Ouais, ouais. Avec la personne qui tient le pistolet pour faire apparaître les deux portails. Génial. Ouais. Prince et Pharah de Prince of Persia. Ouais. Herschel Layton et Claire de Professor Layton. Ils ont gardé toutes les affaires connues pour la fin de la liste. Oui, oui. Là, on les connaît tous rendus là. C'est bien ça. Professor Layton, il faut vraiment que je joue ce jeu-là. Moi, les espèces de jeux avec. Joué. Ben oui. Des mystères à résoudre, des puzzles. J'adore ce genre de jeu-là. Jack Russell et Ridley Silverlake de Radiata Stories. Les autres, ils font sortir ensemble, je pense qu'ils sont roux tous les deux. Ça doit être ça. Ouais. Préjugé. C'est une blague. John Marston et Abigail de Red Dead Redemption. Mm-hmm. Chris Redfield et Jill Valentine de Resident Evil. Mm-hmm. Leon Kennedy et Ada Wong de Resident Evil. Ah, on est dans la catégorie Resident Evil. C'est ça. Ouais. Claire Redfield et Steve Burnside de Resident Evil Code Veronica, je vais le dire comme du monde un moment donné. Tu voulais tes R. Oui, hein, c'est ça. Jaster Rogue et Kisala de Rogue Galaxy. C'est qui ça là? Je sais pas. C'est Kisala. Hey, wow. Brian et Gina de Runaway. La photo est juste louche. Je sais pas c'est quel jeu. Il prend la fille sur ses épaules. Ouais, ça fait un gros plat sur ses fesses. Exactement. Yuri et Alice de Shadow Hearts. Mm-hmm. Wonder et Mono de Shadow of the Colossus. Mm-hmm. Ryu, Azuki et Nozomi de Shenmue. Je pratique mes prononciations en même temps. T'es bon, je trouve. Je m'en sors bien. Au pire, je vais vraiment avoir soif à la fin. je vais me fouler la langue. Je peux te lancer de l'eau de ma bouteille à distance. Ah, merci à Steph qui me texte belle chronique. Hey, c'est le fun. On le sort en temps réel. Ben oui. James et Mary Sunderland de Silent Hill. Mm-hmm. Vise et Aika de Skies of Arcadia. Ça, c'est un jeu, faut que je joue. OK. Ça aussi, là, je sais pas pourquoi. Là, ça rajoute pas mal à ta liste. Oui, oui. Mais non, mais juste, je regarde la pochette et ça vend tout de suite, ce jeu-là. Mm-hmm. Ouais, c'est un beau RPG. Mm. Ah, le prochain, tu vas l'adorer. Ben, qu'un. Sonic the Hedgehog et Amy Rose. Ben oui. C'est ça. Shadow the Hedgehog et Rogue the Bat. Ouais, les deux genre de chauve-souris presque. C'est ça, si exactement. Plus dark version de Sonic. Exactement. Spyro et Cinder de Spyro the Dragon. Donc là, c'est un couple de dragons. Dans le temps que Spyro, c'était cool parce que là, Spyro s'est rendu un petit truc avec des petits jouets, là, que tu des petites figurines. Là. Exact. Ouais. Fox McCloud et Crystal de Star Fox Adventures. J'aime ça. Ouais. Ryu et Chun-Li de Street Fighter. Ouais. Mario et Princess Peach. Ça, c'est un classique dans le top 7 d'Apocho des avoir quelque Toad et Toadette. Ouais. Je commence à les aimer, surtout en Captain Toad. Ils sont rendus vraiment un couple bien expliqué, officiel. Bien évolué. Là. Ouais, c'est ça, ils vont bien ensemble. C'est bon. Eloyd et Colette de Tales of Symphonia. Mm-hmm. Excellent jeu, ça aussi. Jackie Estacado et Jenny Romano de The Darkness, je connais pas ça. Link et Zelda, ah. The Legend of Zelda, il était mieux de le mettre. Oui, Zelda n'est pas celui que... T'sais, Zelda, c'est la fille. Ça. Link, c'est ça. C'est ça, Zelda, c'est la princesse. C'est ça. Et Link étant le héros. Exact. Ouais. Neku et Shiki de The World Ends With You. Plus récent, ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Johnny et River de To The Moon. Okay. Et pas Harvest Moon. Non, non. C'est pas la même chose. Derek et Angela de Trauma Center. Nathan, Drake et Elena Fisher de Uncharted. Mm-hmm. Lucien et Lynette de Valkyrie's Profile. Amon et Sarah de Vandal Hearts. Sandor et Aline de V. Dur à dire. Ça. Ouais, c'est ça. Troll et Jenna Proudmoore de World of Warcraft. Ben oui. Faye et Eli de Xenogears. Shion Izuki et Ellen Ridgely de Xenosaga. Et oh! ça conclut! Hey! Wow! Oui! Hey! Donc c'est ça, on a fait le tour. Donc oui. C'est des couples célèbres ou des duos célèbres. Oui, c'est comme je dis, célèbre. C'est pas nécessairement un couple, ça peut être aussi un duo inséparable. Exact. Pour rire un petit peu, je veux terminer avec une petite liste. Est-ce qu'il existe des dating games, okay, que vous pouvez jouer? Et le Japon est très bon pour nous en amener de très louches, ok? C'est pas, je fais pas ça dans le but de choquer ou de créer de controverses. Je fais juste énumérer. Jamais ça. Non, mais pas pour ça. Non, c'est ça. Ok, c'est juste pour énumérer des choses un peu étranges qui nous est offert dans les jeux vidéo. Okay. C'est tout le temps des dating sims, ok? Donc t'as un personnage, tu fais des choix, tu fais des actions et ça te permet de se conclure avec un autre personnage du jeu. Conclure, hein? Ouais, conclure. Ouais, on se comprend. C'est ça. On a, je vais vous donner un exemple. Jurassic Hearts. Donc c'est une adolescente et un dinosaure. Ah! Ouais, tu peux créer des couples comme ça. Okay. J'ai SC2VN. Donc, vous devez unir des joueurs de StarCraft. OK. Ouais, c'est ça. La thématique. Ouais. J'ai Autofull Boyfriend. C'est de jumeler une jeune fille avec des pigeons. C'est ça. OK. Puis quand tu la maries, qu'est-ce que tu y amènes sur son doigt au mari? Un pigeon. Elle est excellente. Merci beaucoup. Sinon, j'ai Ayun Senki. Donc, c'est toi avec des versions féminines de personnages qui ont marqué l'histoire. Donc, on a un exemple ici, Da Vinci, Hannibal, Napoléon, mais tout en femme. Mm. C'est ça. Donc, un peu particulier. On a Creatures of Koi, Shio, Kokonoe, Kokoro. merci Japon. Ouais. C'est un adolescent avec des criquets version grandeur humaine. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Donc, okay. Avec des insectes. Est-ce que t'aimerais mieux un humain de la grosseur d'un criquet? Ce serait pas mal mieux, ça. Non, c'est un criquet de la grosseur d'un humain. Ouais. Ouais, c'est ça. Brothers Conflict. Donc, c'est une jeune adolescente avec beaucoup de sa parenté. Ah. Ok. C'est ça. Ouais, inceste. Ouais. Oui, c'est ça. Katawa Shujo. Des personnes avec des handicaps. Ok. C'est bon, ça, il n'y a rien de mal. Non, rien de mal. Donc, c'est juste un jeu de rencontre avec des personnes qui manquent des membres, tout simplement. Donc, c'est juste que la thématique a été faite. Ben oui. On a Namco High, donc c'est un alien avec des personnages de Namco. OK. C'est un peu bizarre. C'est spécifique quand même. Lucky Dogs 1, donc c'est un groupe de gangsters. Ils ont toutes les caractéristiques d'être homosexuels et c'est des jeux de rencontre entre les personnages. Okay. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y a ça comme possibilité. Il y a Burn Your Fat With Me. Donc, c'est toutes des gens qui ont une obsession pour leur mise en forme. Ouais. Donc, j'ai Osana Jimmy Wa Daito Ryu. My girlfriend is the president. Donc, c'est des gens haut placés dans la société. Et évidemment, toi, t'es un garçon qui doit séduire ces filles-là. C'est ça. Et il m'en reste trois. Donc, Alistair, c'est des gens qui sont vraiment accros aux jeux en ligne. Massive multiplayer online. MMORPG. C'est ça, exactement. J'ai Gakuen Ansom. Donc, c'est un adolescent avec des gens qui ont des mentons trop longs et trop pointus. Il y a des fantasmes dans la vie qu'il ne faut exactement. Pas trop poser de questions. Ouais, ouais. Il y a Love Plus. Donc, c'est une personne avec une machine. C'est ça. Un jour, ce sera ça pour tout le monde. Hein? Ben, c'est ça. Donc, c'est des jeux offert, c'est quasiment tous des jeux japonais, okay. Et c'est tous des trucs comme ça qui s'offrent à tout le monde. Et tu peux mettre la liste sur la page Facebook du Mathieu Plancher? Je peux faire ça sans problème, c'est sur Games super. Radar, donc je vais rajouter ça. Génial. Ça me fait plaisir. Ça conclut ma chronique! Samuel Girard, merci! Ça fait plaisir! À une heure particulière, cette semaine, oui. On va te retrouver dépendant des semaines, ben c'est toujours aux deux semaines, mais des fois au début de l'émission et des fois à la fin de l'émission. C'est ça, parce que là on m'a rajouté une tâche en après-midi, donc je viens quand je me libère. Voilà!